this feeling. Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your family. Zara Larsson remixé par Rihab dans le Before Party Fun sur Fun Radio. Adrien, ouais. Demain, on donne rendez-vous au Marseillais Plage Borély pour le Party Fun Live spécial Fête de la Musique. Avec Adrien Thomas, on présentera le concert. Et puis le concert dès 19h sera à vivre partout en France sur Fun Radio. À demain, Adrien. À demain, JB, en direct de Marseille. Pour l'instant, 20h, c'est Doc qui arrive. Bah oui, on est là. Alice, salut. Love in Fun. Bah ouais, on est là, salut. Bah oui. Bah oui. Comment ça va? Ah bah non, en tout cas, vous êtes content d'être là, ça fait plaisir. Et en fait, dans la radio, la fête de la musique, c'est tous les jours. Bah c'est vrai. Merci. C'est vrai. Il a pas tort. Tu vois, Doc, il dit que des vérités, quoi. C'est ça qui est bon. Hein. C'est notre sage. On fera un peu plus demain, mais bon, tous les jours, c'est la radio. C'est demain, grosse fête de la musique. D'ailleurs, on sera pas là, nous. Vous êtes où? On votre place. Vous faites quoi? Mais non, mais c'est vrai, on prend leur place. Bah oui, vous prenez notre place. Donc, du coup, nous, on va faire la fête de la musique, tranquille. On va aller bouger un petit peu partout. Pour moi, profiter. On tient à rassurer tous les sites de médias. Love in Fun n'est pas remplacé par le Before Party Fun demain. C'est juste demain, la fête de la musique. Love in Fun revient jeudi soir. Absolument. On sera là en direct comme chaque soir. Allez, bise. Salut les copains, c'est parti. Salut. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. C'est l'été, hein, presque, hein, c'est demain il l'été. Il fait chaud en tout cas. Ah, il fait super chaud là. Il a fait combien là aujourd'hui là? Je sais pas, 38, 40, non? Ah, il s'en déconner. Les endroits à 45, 46. Oh là là, c'est des trucs de dingue. Et la question qu'on se pose tous, c'est on se tape un super mois de juin, est-ce qu'on va pas se taper un mois de juillet tout pourrave? Non, enfin, ça fait plusieurs années que mai et juin étaient pourris. Alors, à un moment donné, il faut bien que ça change. C'est vrai, t'as raison, Doc. En attendant, nous ne sommes pas encore météorologues. Hein. D'ailleurs, non mais sans déconner, s'il y en a qui savent un petit peu quel temps il va faire cet été, n'hésitez pas à nous appeler, c'est ça. Moi, qui est bon. Je dis beau. Comment tu dis, Doc? Il va faire beau. Il va faire beau, d'accord. Enfin, sauf en Bretagne, bon, après. Ah ouais, mais... Quel enfoiré, celui-là. Parce que je suis breton, je le précise pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Karel. Bonsoir, Doc. Salut. Bonsoir, salut Alice. Bonsoir. Bonsoir, Cindy. Bon. On coupe la chic. Ah mais je dis bonsoir aux filles parce que t'as vu comme elles sont belles, sans déconner. Putain, c'est l'été, quoi. Alice avec une nouvelle robe encore aujourd'hui. Cindy avec son petit t-shirt. Ah, elle envoie du lourd avec ses noix de coco. Une petite jupe, deux noix de coco à la place des boobs. Sans déconner. Super. Ça fait vraiment plaisir. On est content de travailler dans ces conditions-là. Je pense que Guillaume perturbé. Ouais. C'est ça. Moi, je décroche plus jusqu'à la fin de l'émission. Ah voilà, ça y est, ça commence. Il y a Geoff à la réal. Bien sûr, Cassim le producteur qui n'est pas présent. Hein. C'est son choix. Voilà. Ah ça y est, il arrive. C'est le mec, il est déjà en vacances. Il est 20h03, il est déjà en vacances. Bonsoir Maël. Salut Maël. Ouais, bonsoir Karel, bonsoir toute l'équipe. Salut Maël. Salut. Maël, c'est notre auditeur du soir. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Love in Fun, Maël, s'il te plaît? Vas-y, dans tes mots à toi, on veut savoir. Oh là, c'est un honneur d'expliquer ça. Alors en fait, Love in Fun, ça se passe tous les soirs entre 20h et 22h sur Fun Radio. Donc il y a Karel, il y a le Doc, il y a Alice, il y a toute l'équipe. Ouais. Le but en fait, c'est que vous pouvez poser vos questions en direct à l'antenne. Un vrai spécialiste, donc qui est le Doc, qui est un vrai médecin dans la vie, c'est sa profession. Il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà. Ah oh putain, il est bon. À peu près. C'est incroyable. C'est super bon, Maël. Ouais. On parle de tout dans l'émission. Pas que de ça. Bien sûr. Il suffit pas même forcément pour poser des questions. Mais bien sûr, venez nous parler un petit peu de votre vie. Comment ça se passe là? 01 42 48 5000 toute la soirée. Maël, dis donc. Oui. T'es tellement bon que tu vas choisir la musique ce soir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oula. J'ai entendu le nouveau Martin Garrix, là, c'est All Star, je crois. Martin, non, ça c'est le nouveau Martin Solveig. Martin Solveig, ouais, les Martins, ils te ressemblent un peu. Ouais. Voilà. Bah, ils ont le même prénom. C'est des Martins. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le nouveau Martin Solveig All Stars que vous avez découvert dans Bruno dans la radio d'ailleurs. Il est venu le présenter en exclu. Il y aura aussi Uko, et ça, c'est vachement bien aussi. Blind. Ouais. Et lui, c'est Martin Garrix avec Ver For You. Vous avez un coup de cœur en ce moment, un son que vous aimez bien. Par exemple, Luis Fonsi, qui était l'invité là tout à l'heure de JB, vous voulez écouter le Despacito, vous nous le demandez, c'est aussi simple que ça. 01 42 48 5000 toute la soirée. On va accueillir Esteban, 17 ans de Nancy. Salut Esteban. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut, bienvenue dans l'émission. Alors Esteban, qu'est-ce qui t'amène toi? Alors moi je vous appelle ce soir en fait parce que j'ai eu un petit problème. Ce week-end j'ai fait une sortie en fait avec des amis du lycée. Oui. Et en fait dans ce groupe d'amis, il y avait une meuf qui m'intéressait. Oui. Et donc pendant l'après-midi ça va, ça s'est bien passé, on a rigolé et tout. Et à la fin du rendez-vous, je suis allé la voir et en fait on s'est retrouvés que tous les deux. Ouais. Et je l'ai invité à boire un verre, etc. Et en fait, pour moi, j'avais envie de tenter un truc parce que je la trouvais super fraîche, etc. Ouais. Et quand j'ai tenté de faire un truc, en fait, elle m'a mis un stop. J'ai tenté de l'embrasser, en fait, et elle m'a carrément recalé. Elle m'a mis la main devant la bouche et elle m'a dit mot pour mot, excuse-moi Esteban, je te trouve très mignon, etc. Mais je pourrais pas parce que t'es pas un mec populaire et je voudrais pas d'un mec comme toi, quoi, parce mais que non, je manque de popularité. T'es pas populaire. Exactement. Que, tu veux que je dise une chose? T'es chapeau pire là. Bah ouais, non, voilà. Mais c'est ça, en fait. Une parce fille que... qui te sort ça, c'est vraiment une fille. Je suis sûr que Esteban, du coup, il s'est dit comment je peux faire pour devenir plus populaire. Surtout hein pas. Ouais, voilà, pas. Exactement. C'est... Du coup, je demandais parce que quand même, la fille, elle est quand même super fraîche chez moi. C'est vraiment une fille qui m'intéresse. Donc, ouais, j'avoue que ça refroidit un peu. Esteban, mais je voulais savoir comment Esteban, faire pour être un peu plus populaire. Esteban, ta gueule, t'es pas assez populaire. Non mais attends, tu vas pas écouter pas ça. Loser. Une fille qui te sort ça, c'est une fille qui a aucun sentiment pour toi. Bah ouais. C'est une fille bah oui. qui effectivement peut être dans cette dynamique-là de se rassurer en ayant quelqu'un qu'elle dit populaire, ou après ce sera quelqu'un qui aura du fric, après ce sera quelqu'un qui aura une belle position sociale. Mais où est l'amour dans tout ça? Il y en a pas. C'est pas possible. Ah, parce que en plus populaire. Donc, populaire, franchement, ça va rien dire. Bah oui, à quel niveau populaire, quoi, dans ton bahut? Elle m'avait dit, par exemple, j'avoue, c'est un peu forcé, mais elle m'a dit sur Instagram, par exemple, j'ai même pas 1000 followers. Elle m'a dit ça, donc. Donc populaire carrément sur Internet. Ah, et même ouais. même aussi, ouais, sur Insta, elle m'a dit. Fais des vidéos sur YouTube, hein, Esteban. Hein. Deviens YouTuber, hein. Chanteur. Ah bah ouais. pourquoi pas. Les relations ne doivent pas être basées là-dessus. Elles sont superficielles, sans intérêt. Où est la vraie relation? Où est le sentiment là-dedans, où est la reconnaissance de la personne et le respect, il n'y en a pas. Bah oui. Comment tu disais, t'es populaire, donc voilà, elle sort avec toi parce que t'es populaire, pas parce que t'es toi. Tu vois? Tu comprends ou pas ça, Esteban? Oui, en fait, oui, je comprends. Ça se trouve, les mecs avec qui elle sort, Esteban, c'est juste des mecs voilà, qui ont peut-être qui davantage de followers, de followers sur Twitter aussi, et qui s'intéressent à eux juste parce qu'ils sont populaires, quoi. Ouais, certes, après, je pense qu'elle pourrait peut-être aimer un gars, mais l'aimer, il faut aussi qu'il ait cette petite qualité d'être un peu plus populaire que moi. Quoi. Passe à autre chose. Maël, tu veux dire un truc là-dessus? Ouais, bah écoute, moi j'ai peut-être un petit conseil pour lui. Il peut nous faire une Kim Kardashian, genre il sort une petite sextape et bim, les 1000 abonnés, ils sont atteints. Direct. C'est vrai que il y a des bons plans comme ça, Esteban. Après, la sextape, il faut l'assumer hein, quand même, Maël. Hein. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Hein, je suis pas sûr, hein. De voir ton petit après, spaghetti sur internet. En attendant, puisque tout le monde parle en même temps, je vais prendre la main. Esteban, retiens bien ces conseils. Cette nana, ça ne s'intéresse qu'à ta popularité, c'est qu'elle n'est pas intéressante. D'accord, ouais, Esteban ouais, reste là-dessus. Parce que des nanas qui sont super fraîches et qui sont moins connes, il y en a beaucoup, hein, vraiment. Ok, d'accord. D'accord, Esteban. Ok. Allez. Et puis c'est le début des vacances en plus là. Voilà, c'est vrai. Bien sûr. Faut qu'on passe à autre chose. Bien sûr. Et deviens Mister Camping cet été. Hein. Et là, tu seras populaire dans le camping. Mais si, c'est clair. Moi, j'étais Mister Camping une année. Hein. Ah ouais je vous raconterai une autre fois. Bonsoir, Josh. C'est Josh qui est là. Salut, oui, Josh. Oui, salut. C'est ça. Salut, bonsoir l'équipe. Salut à toi, t'as 26 ans, t'es à Montargis. On va parler de quoi dans un instant, Josh? On va parler d'éjaculation nocturne. Oh, quel beau programme. Je jouis dans la nuit. Restez avec nous. C'est phosphorescent peut-être aussi la nuit, hein? Bien sûr. Ah oui, on va écouter ça le son de la teuf avec Cashmere et Back to Me sur Fun Radio. Réagissez à l'émission sur Twitter. Hashtag LoveInFun. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Dead Eid. I'm looking for a ring 'cause I got what I need. The Chainsmokers et Luan. Edia.

Cashmere, Back to Me sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Il y a Ryan qui nous écoute en claquettes chaussettes. Ça fait plaisir. Merci à tous pour vos messages sur les réseaux sociaux. Hashtag Love in Fun sur Twitter. Le Snapchat aussi, ajoutez-nous Love in Fun Radio. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, en tout cas, vous êtes tous les bienvenus ici. Vous pouvez réagir à tout ce qui se passe pendant l'émission. Et notamment à Josh, qui nous appelle de Montargis. Il a 26 ans. Bonsoir Josh. Bonsoir l'équipe. Salut. Salut. Alors raconte, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, j'ai eu un petit problème d'éjaculation nocturne. Oh, c'est pas un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Bah, si, un petit peu. Ah, vas-y, du coup, ça s'est passé dimanche soir. Oui. Donc, je me suis endormi, pas de problème. Tout seul? Et puis, non, avec ma copine à côté. D'accord. C'est justement ça le problème. Oui. Et alors? Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à faire un rêve un peu coquin. Mmh. Avec une dame qui n'était pas ma copine. Ah, c'est un rêve. Voilà. Ouais. Ouais, bah oui. Et je me suis réveillé, j'ai eu un petit problème, déjà éjaculation nocturne. Donc du coup, je vous appelais voilà, pour savoir, moi ça m'inquiète un peu. Et. Non, moi ça m'inquiète pas du tout. Les rêves érotiques, tu les commandes pas, et c'est ton inconscient. Mais cette fille, juste pour savoir, avec laquelle tu as fait ce rêve, c'est une fille que tu rencontres d'habitude, sur laquelle tu aimes bien? Non, pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est pas du tout ton genre. Bah si, ce serait mon genre, mais je la connais pas, voilà. Bah oui, pas une personne, la connais pas, donc c'est personne. Oui, c'est ça, tu sais même pas. Non, non, tu es normal. Ouais, ça arrive. Après, c'est compliqué à expliquer à la nana avec qui tu dors, quoi, tu vois. C'est-à-dire que si t'as pas fait l'amour depuis 8 jours avec elle, et que finalement... Bah, c'était un peu ça l'idée, ouais. C'était la mauvaise période la semaine dernière. Donc. Ah oui, bah bon, voilà, bah, c'est uniquement pour ça, c'est tout. Mais non, mais attends... Et ça pourrait être pire. Non, mais elle avait ses règles, t'as pas fait l'amour, très bien. On est en plein été, il y a plein de lumière, tes hormones fonctionnent à fond, ton appareil génital ne demande qu'à fonctionner, et bien il fonctionne tout seul. Franchement, je vais te dire, ça pourrait être pire. On nous a c'est surtout complètement... C'est juste l'explication derrière, c'est un peu T'as chaud, pas même. À t'expliquer, tu fais des rêves érotiques, mais c'est pas la tromper. Attends, non, ça n'a rien à voir avec l'infidélité, ça, mais vraiment rien. Alors, je sais pas si je peux raconter cette anecdote parce qu'il est 20h20 et qu'il y en a peut-être qui sont en train de manger. Allez. Mais c'est un pote à nous qui qu'on connaît ici à la radio, qui nous a raconté une petite histoire quand il s'est réveillé un matin et que en fait, il dormait avec quelqu'un et cette personne pendant la nuit n'avait pas joui pendant la nuit mais avait fait un gros popo dans le lit. Et il y en avait partout. Il s'est réveillé le matin et il trouvait que ça sentait la merde parce que et le mec avait chié dans son lit. Sans déconner. Ah oui. C'est ouf. Ah bah Josh, tu vois, il y a pire. Hein? Ouais, non, bah oui, ça me rassure vu comme ça. Là, il y a un vrai problème de santé, oui, ça c'est clair. Tout peut t'arriver. Toi, tu es complètement normal. Même, je veux dire, voilà, t'as un organisme qui fonctionne bien, une sexualité qui ne demande qu'à s'exprimer. Ouais. Ah voilà. C'est bizarre que ça m'arrive à mon âge. Non, mais juste. Ça arrive à tout âge. Doc, hier soir encore. Non. Alors, en général, ça n'arrive pas quand t'as une activité sexuelle régulière. Maël, l'autre auditeur du soir, ça t'est arrivé, toi, déjà, une petite pollution nocturne, comme on appelle ça? Ah, bah, moi, je me suis noyé dedans, carrément. Ah, bah, voilà. C'est compliqué. et juste, Joss, est-ce que t'as essayé de tenter de te justifier auprès de ta copine? Parce que c'est ça l'histoire. Bah. Je lui ai dit, voilà, que c'est un érotique, après, je lui ai dit que c'est elle. Mais... Oui, non, mais d'accord. On ne t'entend plus, Josh. On a l'impression qu'elle écoute. Ouais. Et qu'elle est en train de cacher ta voix. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux. C'est normal. Mais bien sûr. Alors, il y a Rémi qui dit, ça m'arrive souvent aussi, je pense trop au sexe, c'est pour ça. Et Yann, une fois par semaine, j'en fous plein mon caleçon en dormant. La base. La base. Ah non, parce que quand tu travailles le matin, le truc, c'est un peu croûteux. C'est dégueulasse. Pardon. Surtout en ce moment. Ah bah oui, voilà, ouais. Ça sèche. Josh, je te fais une grosse bise en tout cas. Merci d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. Salut, Josh. Salut. Ciao. L'appel à l'aide dans un instant avec Thibaut, 17 ans de Lyon. Bonsoir, Thibaut. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut à toi, Thibaut. T'appelles pourquoi? Alors moi j'appelle, c'est parce que j'ai fait une crasse à mon grand frère en fait et je voulais me faire pardonner. Ah ouais, une crasse mais genre violent ou pas? Oh, juste pour l'embêter quoi, c'était pas méchant quoi. Ouais, enfin tu vas quand même l'appeler pour t'excuser, donc à mon avis ça va être pas sympa. Restez avec nous, on va tout savoir dans un instant, l'appel à l'aide et le nouveau Martin Solveig, All Stars. We are stars, we are one, we light up the night like a black sun. Moving, turn on, turn on, turn on. Play it loud, we Martin Solveig sur Fun Radio. Please help me. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. C'est l'appel à l'aide. Vous savez, ici, quand vous avez une petite galère, un gros problème aussi, on traite tout bien sûr dans l'émission. Vous nous appelez et nous, on se plie en quatre pour vous. 01 42 48 5000. Bonsoir Thibaut. Salut Karel, salut Doc, salut Ali. Salut. Thibaut, t'as 17 ans, t'es à Lyon. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, si tu veux, pour commencer déjà, mon frère, il fait des réactions bizarres quand il boit de l'ananas, quand il mange de l'ananas. Oui. Et en fait, si tu veux, ça lui fait des actes dans la bouche. Oui. Donc du coup, j'ai fait une bêtise là il y a 2-3 jours. C'est en fait, j'ai mis du jus d'ananas dans son dentifrice. Bah attends, comment t'as fait ça? T'as mis une seringue, un truc comme ça? Ouais, voilà, c'est avec une espèce de truc là, comme on utilise en physique, une pipette, je crois que ça s'appelle. Je vais quand même préciser les choses. Il est allergique à l'ananas et il fait une réaction généralisée, urticaire, des choses comme ça? Non, ça lui fait juste des astes dans la bouche, quoi. Ah, d'accord. Ça va. Bon. Ah, non, mais si le mec commence à gonfler, il meurt. C'est un peu con, oui. Hein, Thibaut, je vous appelle parce que j'ai tué mon grand frère. Hein, parce que. Non, mais donc, t'es sérieux? T'as pris une petite seringue et t'as mis de l'ananas dans son dentifrice. Voilà. Le problème, c'est qu'il s'est lavé les dents avec. Et alors, donc, il y a eu des aftes partout. Voilà, et en plus il a passé chez un examen, je sais pas trop quoi, là il y a pas longtemps, alors du coup, enfin aujourd'hui je crois. Mais, et maintenant il zozote, hein, il est un peu bizarre. Enfin, mais voilà, non, quoi. Non, ça veut dire que là on va l'appeler et le mec il va parler comme ça. Ouais, il va parler avec une voix un peu bizarre, ouais. Oh putain non. Oh putain mais Thibaut, t'es vraiment une salope. Quel intérêt, quoi. Non mais pardon, hein. Thibaut, on y va, on l'appelle, tu vas t'excuser, d'accord? D'accord. Et on va fouiller cette histoire d'allergie là, parce que ça se trouve, t'as peut-être failli le tuer, quoi. Mais c'est pas une allergie. Ouais, d'accord, ok. Il a fait ça juste pour faire une crasse, quoi. C'est un petit coup de pute, quoi. Le bâtard. Tiens, comme ça, je vais m'amuser. Allô? Ouais, Paul, c'est moi. Ouais. Ouais. Excuse-moi, là, je t'appelle rapide. Du coup, tu sais, là, par rapport à tes affles, là, que t'as dans la bouche et tout, là. Ouais, mais ouais. Ouais, y a un petit problème, en fait, je sais pourquoi t'as ça. Pourquoi j'ai ça? De quoi tu parles? Bah je sais pourquoi t'as des aftes là plein la bouche, quoi, parce que c'est un peu de ma faute, quoi. C'est ta faute? Pourquoi c'est ta faute? Parce que en fait je voulais te faire une crasse, parce que comme tu me fais chier souvent, bah je me suis dit j'allais te faire chier. Et j'ai mis du jus d'ananas dans ton dentifrice. tu te fous de ma gueule là? Mais non, mais c'était juste, tu vois, pour faire rire un peu, tu vois, ça va bien fait marrer en plus. C'est pas drôle, c'est pas drôle du tout. J'ai la bouche en feu. J'ai eu un oral aujourd'hui. Non, mais ça te fait rire en plus. Je crois que les parents vont apprécier. C'est tellement drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Les parents, ils vont pas kiffer du tout quand on va leur raconter ça. Tu vois pas qu'aujourd'hui j'ai eu un oral, que j'ai zozoté comme un con, que j'ai mal, j'en ai de partout. T'as foutu. Attends, mais t'as fait ça hier soir. Ouais, j'ai fait ça hier soir. Et ce matin, c'était trop drôle quand j'ai vu ta tête là. D'accord, ok, super, bonne vanne, très bien. J'étais content, mais ouais, c'est vachement drôle. Ouais, c'est vachement drôle. J'espère que j'en aurai pas encore demain, que ça va pas en avoir de partout encore. Mais le pauvre, Thibaut qui se marre, sans déconner. Mais bonsoir Paul. Thibaut, t'es complètement irresponsable. Ah ouais. Non, oui, mais attends, il y a un truc. Attends, il y a des degrés dans les choses. Ah, et tu me laisses parler. Je te laisse pas parler, non, parce que t'as fait le con. tu peux détester. C'est qui là? T'es en direct sur Fun Radio dans la Lune Fun. Et ton frère. Qui est un peu couillon, ça je le reconnais, savait ce qu'il faisait, savait que ça déclenchait ça. Alors, rien que pour t'embêter, en plus, la veille d'un examen, a mis du ananas. Il nous appelle pour nous raconter ça. Alors, évidemment, on ne lui a pas fait de compliment. C'est assez dramatique. Bravo, Thibaut, bravo. Je trouve ça, non, c'est pas une vanne du tout. Je trouve ça absolument dégueulasse. Voilà. Oui, sauf qu'il faut préciser à mon frère, parce qu'il est tellement con qu'il faut pas qu'il se relave les dents avec le même dentifrice, parce que demain, il les aura toujours. Ah, parce que maintenant, il va donner des conseils. Et Thibaut, il va donner des conseils maintenant. C'est ça. Alors, Paul, tu l'as bien compris, on est sur Fun, là. Hein, D'accord, j'ai dans... comprendre, j'ai reconnu un peu ta voix. T'es dans Love in Fun et bah voilà, Thibaut voulait s'excuser, mais alors nous, il n'y a pas ça, à s'excuser, c'est stupide. Bah, il faut quand même s'excuser. Ah bah, oui, voilà, Thibaut, qu'est-ce que tu as à dire à ton frère, à ton grand frère Paul? Bah, excuse-moi, moi j'ai trouvé ça drôle et puis voilà. Bah ouais, je trouve pas ça drôle. T'inquiète pas. Bah écoute, dans quelques semaines, c'est moi qui appelle iPhone et puis c'est moi qui m'excuserai de la crasse que je t'aurais fait, t'inquiète pas, hein, y a pas de problème. C'est parti. Et comment tu traites, parce qu'il faut traiter ses aftes pour demain, qu'est-ce que tu mets dessus? Jus de pomme. Ah bah là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, je fais des lavements de bouche, mais bon, j'ai la bouche en feu, j'arrive pas à parler, j'ai pas bouffé de la journée. Je crois que t'as des gels qui marchent pas mal, genre Pansoral, tu vois, tu peux t'acheter ça. Un petit gel. Un gel que tu mets dessus et ça atténue un peu la douleur. Mais le pire, c'est que j'en ai même au fond de la bouche, sur le bord des langues et tout, c'est la cata. C'est scandaleux. Ah putain, vraiment, mais c'est scandaleux, t'as raison, Doc, mais c'est quand même assez drôle, c'est quand même plutôt rigolo. Mais c'est vraiment pas bien ce que t'as fait, Thibaut. Oula, non. Hein, dis donc, c'est bon. Recommence pas. Non, mais t'inquiète pas. Mais quand tu vas rentrer, tu vas prendre cher, mon pote. T'inquiète pas. Tu vas lui péter la gueule. Paul, on te souhaite bon courage parce que t'avais un oral aujourd'hui. Oui. Bah oui. Et tu sais quoi? Bah ça se trouve, la prof, elle a eu pitié de toi et t'a mis 2 points en plus. Grave. Ça se trouve, c'est grâce à ton frère que tu vas avoir ton bac. Ah oui, bah, j'espère bien. J'espère aussi pour toi. Thibaut! Ouais. Salaud. Ne reviens plus dans cette émission, mais rappelle quand tu veux. Si, il reviendra quand j'aurai appelé, quand j'aurai fait un bon truc moi aussi. On vous fait des gros bisous, ouais, donc tu voulais dire? Non, il va demander un cadeau, tu vois. Bah, ouais, non, mais bien sûr, Thibaut. Tu peux avoir un cadeau? Ouais, attends, c'est ça. Eh ben, on va un iPad, un truc comme ça. On va le filer à Paul, le cadeau, et tu joueras avec ton grand frère, d'accord? Quel enculé celui-là. Salut Paul, salut Thibaut. Salut les mecs. Ah, les crasses entre frangins, c'est terrible. Dites-nous si vous avez déjà fait des crasses à votre grand frère, votre petite sœur, j'en sais rien. Allez-y, 01 42 48 5000. Il y a Aymeric qui nous appelle de Lisieux, il a 13 ans. Salut Aymeric. Bonsoir tout le monde. Salut à toi Aymeric. T'avais une question toi? Oui, c'est pourquoi on fait une crise d'adolescence? Ah, c'est bon ça. Oui. Ah ouais, il y a un rapport avec les hormones, les trucs comme ça. Hein. Oui, bien, entre autres. Ouais, on va en parler. Tu te sens en crise d'adolescence là en ce moment Aymeric? Bah parfois. Ouais bah d'accord, bah ça commence. En attendant on écoute Hugo, Blind. Sur Fun Radio. Love in Fun. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. sur Fun Radio. On a une grosse pensée pour tous ceux qui révisent en écoutant Love in Fun. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. Dernière révision, dernière épreuve du bac, là, bientôt. En plus, passer le bac dans des conditions comme ça, avec la chaleur qu'il y a dehors et tout, ça doit pas être facile. Hein. Buvez surtout. Doublez 2 litres au moins par jour. Ouais, des petits mojitos et tout. Avant d'aller là. Et hop là. On se murge la gueule avant les examens. Bravo, Doc. Super conseil. Hein non, hein de l'eau. De l'eau. Ah, pardon, de l'eau, bien sûr. Alors, c'est sans modération, l'eau, hein, bien sûr. Hein. C'est même souhaitable en ce moment. Bah voilà, voilà. Beaucoup plus d'eau que d'habitude. Buvez beaucoup d'eau et on va ouvrir des snaps. C'est parti sur le Snapchat de l'émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer des snaps. D'ailleurs, si vous voulez nous ajouter, c'est Love in Fun Radio. Il y a Tupereya qui m'envoie une photo de ses seins. Et bah voilà, c'est fait. Et ils sont très jolis d'ailleurs. Non, je fais pas tourner, non. Non, surtout pas à toi. Jordan Marie qui dit salut Karel, tu pourrais faire une dédie à tous les agents de sécu, hashtag Jordan. Et ben voilà, le message est passé. On vous embrasse à ceux qui nous écoutaient là en ce moment et qui sont au travail. Un petit message de Jean, Enjoy Lou aussi qui nous demande où est-ce qu'on part en vacances cet été. Mmh. Ben, si seulement on le savait, j'ai l'impression. Il y en a qui ont déjà prévu là, plus ou moins dans l'équipe. On vous tiendra au courant, bien sûr. Hein. Devant Love in Fun de Fun Radio, je kiffe l'émission. PS, Alice est ma préférée. C'est Aurélien qui dit ça. Il y a Jean aussi qui nous envoie un petit message. Je vous attends, Love in Fun. Et ben on est là depuis 20h jusqu'à 22h. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Et on a Aymeric qui a 13 ans, qui est de Lisieux. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Salut Aymeric. Alors t'appelles pourquoi? Bah pourquoi on fait une crise d'adolescence? C'est une bonne question. Tu peux nous raconter ce que tu vis, toi? Parce que je pense que ta puberté a commencé. De moment, je réponds à ma mère, oui. Je sais pas pourquoi. Connasse. Oui, c'est normal. Parce que tu commences à affirmer ta personnalité. La puberté, c'est une modification déjà sous l'emprise des hormones, une modification de ton corps. Tu vas grandir beaucoup plus. Tu grandis, ouais. Tu prends 25, 30 cm, un peu moins, un peu plus. Ça dépend. Les poils de bite aussi. Ta musculature qui augmente. Et puis surtout, tout ça entraîne des modifications aussi au niveau de ton cerveau, au niveau de ta psychologie. Et ton gland aussi. Et bien sûr, tu as ce besoin autour des couilles. D'autonomie et de prendre un peu de liberté. Donc, quelquefois, il y a un peu d'insolence avec les parents, en tout cas un peu de liberté. Puis, tu te rends compte d'une chose qui me paraît importante, c'est que, auparavant, bon, les parents, on les accepte comme ils sont. Quand on est enfant, on les remet pas en cause ce qu'ils disent, mais quand on grandit, à l'adolescence, on se rend compte que. On se rebelle. Ce qu'ils disent, c'est pas toujours la vérité, que parfois, on n'est pas d'accord. Et puis, ils sont parfois aussi un peu trop strict, alors ça plaît pas, ou pas assez attentionné, ou pas assez attentif, enfin bref, c'est un dosage. Donc voilà ce qui se passe. C'est normal, c'est plus ou moins aigu suivant les adolescents, ça dépend aussi beaucoup des parents. Il y a beaucoup à dire parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent vraiment pas se débrouiller avec des jeunes adolescents. Ah bon, on en voit des fois à la télé, ma famille est en détresse, sans déconner, SOS là, je sais plus quoi là. Tu vois des adolescents qui pètent des câbles devant leurs parents, qui les frappent. C'est des Mongols. T'es des Mongols, Aymeric. Toi, j'ai l'impression que t'as la répartie. Alors, que tu répondes à ta mère et que ce soit un peu différent, que tu veuilles t'affirmer, c'est normal. Est-ce que tu es heureux quand même dans ta famille? Bah oui. Eh bien, c'est l'essentiel. Et n'aie pas peur de cette autonomie que tu prends et de ce petit aspect rebelle. Je pense que c'est plutôt rassurant, à la limite. Et moi, j'étais insupportable, Aymeric, avec mes parents. C'est pareil, je leur parlais mal et tout. Et c'est vrai que j'ai regretté après, quoi. Et j'en entends encore parler des fois. Putain, t'étais chiant quand t'avais 14 ans et tout. Alice, toi aussi, t'as une petite période rebelle. Ah oui, carrément. Mais ça dure même encore maintenant. Moi, j'ai toujours été en crise d'adolescence très tôt et très tard. Donc, mes parents en ont chié. Je vous embrasse, je suis désolée. Voilà, non, mais c'est vrai, les parents bouffent à cette période-là. Et parfois, on va même trop loin, on se rend pas compte, quoi. Oui, enfin, en même temps, ça les remet en cause, parce qu'il y a aussi une attitude à avoir. Il y a aussi à considérer l'adolescent comme une personne, et non pas comme un enfant. Donc les parents ont du mal à accepter que cet adolescent devienne un adulte. C'est pas toujours facile. Et Aymeric, t'as vu, il est d'accord avec moi. Et Aymeric, qu'est-ce que t'as dit à ta mère? Oh, t'arrêtes pas de gueuler, t'es chiante. Voilà, ça commence comme ça. Oui, bien sûr, mais c'est bien, tu remarques ces petits défauts. Auparavant, tu disais rien, maintenant tu te rebelles. Mais maintenant, tu vas lui faire un petit bisou avant d'aller dormir et tu vas lui dire « Maman, je t'aime ». Ouais. Oui, mais enfin, en même temps, l'affection n'est pas obligée d'être débordante à l'adolescence. On a besoin de prendre une distance aussi physique, hein. Alors, il y a des réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Il y a Victor qui dit « J'ai rendu mes parents ouf pendant 5 ans, les pauvres. Émilie, quand j'y repense, j'ai honte d'avoir été comme ça. J'étais super agressive avec tout le monde. » Ouais, je suis d'accord. Faut pas avoir honte. Je crois que ça sert à rien, la honte. Non, on n'a pas honte, mais on regrette. Oui, franchement, moi, je regrette. Vraiment, j'étais insupportable. Oui, enfin, bon, c'est pas dramatique. Ouais, mais je sais pas, des fois tu dépasses un peu les limites, quoi, tu vois, et tu t'en rends même pas compte, quoi. Mais bon, en attendant, comme disait mon grand-père, faut bien que jeunesse se passe. Hein. Ah, c'est vrai, ah, c'est vrai. Et Maïk, oui. Tu reviens quand tu veux, et toi, tu peux nous envoyer chier, pas de problème, hein. D'accord? Ok. Ok. Alors, toi, Karel, ouais. t'as pas de poils à la bite? Ouais. Ah, pas de poils à la foule? Ouais. C'est vrai. Et donc, t'as pas de cheveux? Il en a. D'accord, ah, dis donc, t'envoies du lourd, hein. Waouh, je suis méchant, hein. Ça, tu m'as fracassé, quoi. Ouais. Franchement, j'ai arrêté l'émission. Moi, tu m'as bien cerné, en fait. Elle a pas de poils à la fouf. Salut, Brick. Salut à toi. Salut. Salut, ciao. Salut. Sébastien est avec nous, 18 ans de Grenoble. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, l'équipe, vous allez bien? Ça va bien, Sébastien. T'es toujours en crise d'adolescence, toi? Un peu, mais moi, bah, là, vu que j'avais mon appartement, c'est vrai que ma mère, je lui ai fait les pires misères du monde. Ah ouais, et ouais. Et tu regrettes un peu ou pas maintenant, là? Ouais, quand même un peu, parce que ça a quand même cassé la moitié de ma vie et mon parcours scolaire. Ah, d'accord, t'as galéré aussi un petit peu à cause de ça. C'est plus ouais. Temps, ouais. Tu voulais nous parler de quoi, toi, Sébastien? Bah, moi, en fait, ça faisait 2 ans que j'étais avec ma copine, mais là, je voulais tourner la page et je voulais savoir si vous pouvez me donner des conseils pour que je l'oublie, que je passe à autre chose. Eh ben, y a pas de souci, on va en parler. Les ruptures, comment gérer une rupture, une déception sentimentale, c'est pas facile, hein. 01 42 48 5000 et on revient avec Yellow Claw. Good day, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Oui, allô. Bonjour madame, je fais un sondage sur la littérature. Oui, d'accord. On parle maintenant des Misérables de Victor Hugo. Mmh. Donc le premier volet s'appelle Les Misérables, mais comment s'appelle le deuxième volet, à votre avis? Les Misérables 2. Bonne réponse. Et pour terminer, toute personne ayant un minimum de culture littéraire le sait. Qui sont les fameux Jackie et Michel? Des philosophes, non? Exactement. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Le JBL Fest, vous connaissez? C'est l'événement musical de l'été, les 27, 28 et 29 juillet à Las Vegas, pour souffler les 70 bougies de JBL. Et pour encore plus de son, plus d'autonomie et plus de fun pour vos soirées, craquez pour la Flip 4, la nouvelle enceinte étanche Bluetooth JBL. Flip 4 de JBL, l'enceinte nomade connectée qu'il vous faut pour cet été. Fun Radio. Salut, c'est Marion Yenso. Vous voulez devenir le youtubeur de demain? Alors participez au grand casting Ta vie puissance Yop. Postez vos vidéos et faites voter vos potes. Les 10 meilleurs participeront au show final sur la scène du Trianon avec les youtubeurs Tonio Life, Théo Gordy et Shake Up. Rendez-vous sur yop.fr et conditions aussi sur yop.fr. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet pour l'Electro Beach 2017 avec Fun Radio. Electro Beach. Cashmere. David Guetta. Armin Van Buren. Yellow Claw. Don Diablo. Martin Solveig. Nervo. Et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise! L'Electro Beach 2017, les 13, 14 et 15 juillet à Port Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Electro Beach. Merci de m'avoir tenu à l'écart pendant la moitié du dîner mythique. Et merci de m'avoir fait rougir devant Marie. Elle a trouvé ça trop mignon. Merci timidité. Rencontrez-vous au dîner mythique en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique. Love your imperfections. Alibi.com en DVD et Blu-ray. On part du principe qu'un petit mensonge fait moins de mal que la vérité. Par les créateurs de Babysitting. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard sera même pas là. Ah bon? Blou-blou. Alibi.com, la comédie de l'année en DVD et Blu-ray. Et à l'achat et en location, en vidéo à la demande sur la TV d'Orange. Avec Fun Radio. Vidéo à la demande pour les clients internet TV d'Orange. Tarifs et conditions sur orange.fr. Avant de déménager, avez-vous pensé à tout? Le camion? 40 cartons sur un scooter? Eh ben, ça va en faire des allers-retours. Les copains? Ah, oh, répondeur. Ouais, allô Nico, je voulais être sûr que t'avais pas oublié notre déménagement. Il est quand même 20h. Et l'électricité? T'as la lampe torche? Ouais. T'as des piles? Non. Sinon, souscrivez en 5 minutes seulement sur particulier.nj.fr. Avec Elec Weekend d'Engie, l'électricité est à moins 30% le week-end. Offre de marché, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le 21 juin au cinéma, préparez-vous pour le plus grand bad buzz du siècle. Avec Eric et Quentin, les deux zozos. En 2017, on dit plus zozo, ça va faire un gros bad buzz. Ouais, mais le vrai bad buzz, c'est le 21 juin au cinéma. Dis-moi, t'as pas mal à la gorge en ce moment? Si. J'ai des pastilles, si tu veux. Ah, je veux bien. Pardon. Bad buzz, le 21 juin au cinéma, avec Fun Radio.

Oui, parce qu'en fait, avec sa belle-mère et sa non, mère... Non, je te parle de votre relation à vous. Nous, ça tenait bien, mais en fait, c'est sa mère, elle voulait pas qu'on reste ensemble. Et pourquoi ? Elle t'aimait pas ? Elle disait qu'on collait pas ensemble, que moi, j'étais en mode mou du genou, ouais. Et qu'elle, elle était speed, et que j'étais pas un travailleur et tout, et que j'étais un flemmard, elle était toujours en train de... Très bien. Donc, et ta deuxième situation, comme tu l'as dit, tu as été en famille d'accueil, donc... avec probablement, sur le plan affectif, un peu d'isolement. Et donc là, tu te sens abandonné. C'est un peu ça, n'est-ce pas ? Ouais, c'est ça, en fait. J'ai pas vécu la vraie famille, en fait. Voilà. Et donc là, c'est une déchirure beaucoup plus grande pour toi, dans ton circonstance, un garçon. C'est vrai qu'en fait, voilà, j'ai cru que j'allais construire ma vraie vie. Du coup, j'avais fait plaisir. Déjà, tout n'est pas fini pour elle, si, probablement. Surtout si elle t'a bloqué, c'est fini. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas sa tante ou sa belle-mère, c'est pas sa belle-mère. C'est si je comprends, c'est sa mère. Pour moi, c'est ma belle-mère, en fait. Mais elle, c'est sa mère. C'est pour ça que je dis ma belle-mère. Bon, voilà. La relation qu'elle a avec sa mère, c'est une chose. Si elle écoute sa mère, c'est comme ça. Tant qu'elle vit pas seule, tu peux pas changer. Bon, non, je crois qu'il faut pas que tu te dévalorises. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, moi, je suis lycéen. En première année de CAP vente, mais franchement, là, ça commence à être compliqué. Je commence à être à sec parce que j'ai toujours des souvenirs d'elle. Et maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu passes à autre chose. C'est-à-dire que. Oui, mais je vais lui expliquer. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que lui, c'est difficile pour lui, vu sa situation en famille d'accueil. Ça veut dire. Ta famille, elle est où, en dehors de la famille d'accueil? Tu as été placé en famille d'accueil à quel âge? À partir de 6 ans. Pourquoi? En fait, mes parents, ils ont divorcé et en fait, c'était compliqué entre eux. Moi, j'ai pas trop les bons souvenirs, mais ils se bagarraient tout le temps et avec les aides financières et tout. Ouais. Et du coup, on a eu les instances sociales et du coup, elle a dit qu'ils n'avaient pas à s'occuper de nous et du coup, on a été placés pour être éloignés des histoires. Maintenant, tu es majeur. Oui. Ouais. Donc, est-ce que tu veux reprendre contact avec tes parents ou pas? J'ai beaucoup de contacts avec mon père, mais avec ma mère, non, parce que ma mère, elle est... Ok, ouais, déjà rapproche-toi. Alors, est-ce que ça se passe bien avec ton père? T'as une bonne relation avec lui? Ouais. Rapproche-toi de ton père, parce que je pense que t'as vraiment besoin de ton père. Si ça se passe bien avec lui, t'as pas à te sentir coupable d'aller vers là. T'as 18 ans, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est avec ta maman, ça peut être passager, ça se passera mieux plus tard. Rapproche-toi de ton père. Et puis, essaye de faire une thérapie, parce que c'est vrai que quand on a vécu des choses un peu dures comme ça, vivre une rupture, c'est... J'en ai parlé un peu avec mon psy, j'étais allé voir mon psy, mais c'est vrai qu'il m'en dit pas beaucoup, ça m'aide pas, et c'est vrai que j'arrive pas à tourner la page. À chaque fois, même dans mon téléphone, sans vous mentir, j'ai encore des photos d'elle. Tu te fais du mal aussi. Et le soir, des fois, je me tape des coups de barre, je me mets des... Tu chiales, Sébastien, tu pleures, là? Non, je pleure pas. Mais le soir, oui, des fois je mets des musiques. Sur Spotify, je mets musique d'amour et j'ai trouvé une musique. Cette musique, nous fait penser à elle parce qu'on écoutait tout le temps celle-là. Et du coup, je recoute tes musiques. C'est terrible. Si tu n'arrives pas Et vu que je vis tout seul dans mon appartement, parce que je suis dans les foyers jeunes travailleurs à l'UNI, le soir, quand je suis tout seul, parce que quand il n'y a pas mes amis, tout ça, je repense à tous nos moments qu'on a fait, plein de souvenirs, et ça monte à la tête. Sébastien, c'est fini avec elle. Il faut simplement un peu de temps. Ça fait combien de temps que c'est fini avec elle? Ça fait depuis le 22 avril. Arrêtez, vous allez me faire chier. Il y a une période de deuil. Il faut que tu t'habitues, tu t'accroches un peu. Tu vas finir à un moment donné par accepter cela et passer à autre chose. Et puis continue à voir ton psy pour parler de ça. Et rapproche-toi de ton père, n'écoute pas ça. Sébastien, tu te souviens de ton premier baiser avec elle? Il était sensuel. Sur un banc. Sur un banc. Et en plus, mon premier baiser, c'était sur un banc et tout. On était dehors, on était bien. J'ai même encore la photo. Sébastien, écoute-moi bien. Sébastien, on est tous passés par là. On va pas se moquer de toi. On a tous eu des chagrins d'amour et c'est jamais facile de passer à autre chose. Le temps arrange l'affaire. Jérémy est avec nous, 21 ans de Poitiers. Bonsoir Jérémy, il y a plein de réactions sur les cœurs brisés. Bonsoir, bienvenue dans Love in Fun spécial cœur brisé, Jérémy. Salut tout le monde. Salut Jérémy, ton petit cœur est cassé? Ah non, moi ça va très bien. D'accord, ok. T'appelles juste pour chambrer et dire... Non mais j'ai pas de copine pour autant, vous inquiétez pas. Est-ce que t'as déjà vécu une peine de cœur? Ouais, il y a à peu près 3 ans, et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé tous les ponts, donc comme elle a fait avec lui. Mais ce que je lui conseillerais aussi, c'est de supprimer tout ce qui est photos, messages, SMS. Non, il faut le mettre de côté, dans une boîte à souvenirs. Moi, j'ai une petite boîte. Ouais, mais pourquoi pas, j'ai fait ça, mais je l'ai pas bien appris dans mon téléphone. Mais il a raison sur une chose, revenir sur des souvenirs comme cela, c'est un peu un côté masochiste, faire mal. Et ça ne sert strictement à rien. Il n'a pas tout à fait tort quand il te dit ça. Ça ne sert à rien de remuer, comme on dit, le couteau dans la plaie. Non, mais on met de côté au grenier, quoi. Au grenier. Jérémy, donc toi, t'as fait ton deuil. Marie, 25 ans de Libourne. Salut Marie. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Marie. Salut. Toi aussi, t'as eu ton petit cœur brisé. Oh, si c'était qu'une fois, ça irait, mais bon. Ah, tu es une collectionneuse de cœurs brisés. Non, mais bon, enfin voilà. Alors, mais l'année dernière, ça m'est arrivé. Raconte cette histoire. Je venais de rentrer en formation, je venais de passer mon permis, tout ça, et puis on s'est séparés très violemment, devant les enfants en plus, donc ça l'a pas trop fait. D'accord. T'as 25 ans, t'as déjà des enfants et tout? Oui. Ils ont quel âge, les enfants? 7 ans, 6 ans et 3 ans. Trois enfants. Et qui voulait quitter l'autre? À 18 ans. Oui. Le premier. Oui. Qui voulait quitter l'autre? En fait, c'est moi qui l'ai foutu à la porte. Ah d'accord. Pourquoi? Pour quelle raison? On s'entendait plus, et le fait que je devienne indépendante, pour lui, ça lui convenait pas. Ah d'accord. D'accord. Et comment t'as fait pour t'en remettre alors? Déjà, j'ai pris une journée sur ma formation en expliquant ce qui s'était passé, parce qu'on a failli en venir aux mains quand même. Ah oui. Donc moi, j'ai toujours protégé mes enfants à ce moment-là. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé les potes et je leur ai dit écoutez, voilà, il se passe ça, maintenant il faut m'aider parce que je sors de là. J'ai pas envie de rentrer dans un tourbillon infernal. J'ai pas besoin que mes enfants me voient comme ça, donc il faut se changer les idées, il faut s'entourer au maximum. Et très bien. Et là, tu en es sortie ou pas? Oui, ah oui, très oui. Bien. Oui, mais bon, c'est une rupture, c'est un peu différent. Là, il y a des enfants, il faut quand même... Après, bon, on ne va pas reparler de ça. Après, ce n'était pas les siens. Oui, peu importe, mais enfin, c'était les enfants qui vous appartenaient. Enfin, en tout cas, qui étaient dans l'histoire. Très bien. Eh ben oui. Tout essentiel, c'est s'en sortir. La preuve que même quand c'est très dur, on s'en sort avec le temps et un peu de patience. Et il y a Maëlle qui veut dire un truc, notre auditeur du soir. Peine de cœur, Maëlle, à 17 ans. Forcément, t'en as eu toi aussi. Ouais, excuse-moi, ça m'est déjà arrivé. Il est ému, ça t'a rappelé des souvenirs. Non, mais ouais, ça arrivait comme à peu près tout le monde, je pense. Mais après, bon, c'est peut-être facile à dire, hein, de là comme ça, mais je pense qu'il faut aussi sortir et essayer de se changer les idées, quoi, pas rester bloqué là-dessus, sinon c'est vrai qu'on s'en sort pas, quoi. Alors, la bonne nouvelle, j'ai remarqué, parce que je me suis fait souvent plaquer, tu finis par accepter le truc plus rapidement au fur et à mesure où tu te fais plaquer. T'es habitué, hein, tu vas plaquer, oui. Ouais, bah ouais, non, mais voilà. Oui, la première fois, c'est vraiment dur. Ah ouais, non, la première fois, c'est un crève-cœur. Tout s'écroule, quoi. Ah, mais vraiment, tu as vécu ça, toi, Alice. Hein. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais pas kiffé. Hein. Bah oui, non, mais on pleure et tout. Sauf Kassim, il a pas de cœur. Ouais, c'est ça. C'est moi qui l'arc, je m'en bats les couilles. Mais moi, je voulais pas m'en sortir sur le coup. Besoin d'être malheureuse, j'avais besoin de pleurer et j'en avais envie. Voilà. Je pense que c'est une nécessité, effectivement, c'est une souffrance nécessaire, c'est une rupture affective, c'est une douleur, dans le plein sens du terme, qu'il faut laisser évoluer et qui finit par disparaître, mais c'est une nécessité, oui. Des réactions pour finir sur les réseaux sociaux pour toi, Sébastien, écoute bien. Alors Pauline te dit occupe-toi l'esprit, sors avec tes potes, fais la fête et surtout entoure-toi bien. Je suis tout le temps en boîte, mais c'est que des attirances par des mecs en ce moment. Ah, et Jeff dit c'est con à dire, mais les relations pansement ça marche vachement bien pour passer à autre chose. Oh non, mais ça c'est un peu horrible. Putain, genre tu sors avec quelqu'un juste pour faire passer la pilule, quoi. Ouais, mais c'est un peu immonde. Non, c'est pas la solution, Sébastien. On est tout cœur avec toi. Bon courage en tout cas et continue à sortir, à t'éclater, à faire la fête et ça finira par passer. Bon courage, Sébastien. Bah, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir un Love in Pack Fun, s'il vous plaît? Un Love in Pack Fun. Ça fait un petit plaisir. Bah, écoute, ça fera un petit plaisir de votre part. Mais j'étais venu vous voir à Grenoble. Arrête de faire la petite. Avec Nina, j'étais venu vous voir à Grenoble. Vous avez payé l'apéro. Ah oui, on t'a payé l'apéro? Oui, vous avez payé des bières. Bah oui, vous avez payé des bières. On a payé là. Des bières. C'est vrai qu'on a payé un coup à tout le monde. Eh bah, écoute, ça nous a fait plaisir. Ça devait être Kassim qui a dû régler. Personne n'a payé. J'étais là. Personne n'a payé. Le barman, il a dit non. Attends, le barman, il a dit que c'était gratos, c'est ça? Oui, il a dit je vous fais pas payer. Il a demandé c'était qui. Il a demandé c'était qui. Il a dit oui, c'est Fun Radio. Il a dit bah oui, je vous fais pas payer. Mais et quand on fait des soirées, on vous rince, les amis. Ah, pourtant, Kassim, il a quand même mis 90 boules. Ah bah, je sais pas, j'ai vu ça. Bon bah écoute Sébastien, ravi en tout cas de t'avoir vu à Grenoble, d'avoir passé un moment avec toi. On te souhaite bon courage en tout cas, et tu reviens quand tu veux. Salut mon Seb. Merci, salut. Ciao, ciao à toi, et merci à Jérémy aussi, Marie qui sont venus pour réagir dans un instant. Le défi fallait pas demander, c'est Gabriel ce soir qui sera avec nous. Il est là, il a 17 ans de Paris. Bonsoir Gabriel. Salut. Salut Doc, salut Karen, salut Alice. Casque salut. De réalité virtuelle à gagner, et la question que tu vas poser pour énerver quelqu'un, tu vas me demander quoi à toi ? C'est grave d'avoir triché au bac. D'accord, ah ok. Ah, tu vas faire carrément croire à ton daron que t'as triché au bac ? Exactement. Ok, ça va être énorme. Restez avec nous. En attendant, on met à fond un son trop frais sur Fun Radio. Voici Yellow Claw. C'est Good Day dans Love in Fun. Bonne soirée tout le monde. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and called their mommy. You are not me, I am dirty. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and called their mommy. You are not me. Remember that day we met for coffee and you were late. Yeah, we chat about you and you mostly, but a bit about me. And then we went back to yours, and I'd never been there before, on the blue line subway. Yeah, I think it was raining, and you make me a painting, sing a song about dolphins. Young love was calling. It was a good day, oh what a good day, but it is long gone. Sur Fun Radio. In. Du sexe et du fun. 20h-22h. Sur Fun Radio. Une émission en direct tous les soirs du dimanche à jeudi, 20h-22h, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Si vous voulez parler d'un truc en particulier qui vous arrive dans la vie, vous avez une question à poser, vous voulez savoir comment être au top cet été, On peut tout vous dire. Alors, je vais vous dire, Alice, tous les secrets beauté pour toutes les filles. Hein. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. On a notre auditeur du soir aussi, Maël, qui est avec nous depuis 20 ans. Ça va, Maël? Ça va? Attention, il se réveille. Il y a chiotte. Attends, on se connecte avec Maël qui doit nous écouter pendant 2 heures pendant l'émission. Maël? Allô? Oui, excuse-moi. Tu faisais quoi, Maël? J'ai fait un tour chez moi, je découvrais. D'accord, ok. Non, mais voilà, il fait sa vie, il écoute pas tout le temps. Et Maël, à tout moment, on peut te prendre à l'antenne, hein, je te le dis. Hein. Je sais. Ok, ça marche. On écoutera du son aussi dans l'émission ce soir. Le nouveau This Is La Peste. Ça va aller. T'as plus de boulot, ça va aller. Un son positif hein, de This Is La Peste. On écoutera aussi ce soir DJ Khaled et Justin Bieber. On va savoir ce soir dans l'émission d'où viennent les peurs. Parce qu'on va parler de peurs avec ton chiffre ce soir, Alice. Ouais, c'est ça. On va parler des peurs, pas forcément des phobies, mais des frayeurs, des trucs comme ça qui vous dérangent. Et j'ai découvert que certaines personnes avaient peur des trous. Voilà, c'est pas considéré comme une phobie en tant que telle pour l'instant, mais voilà, peur des trous, ça les dérange. Voilà, si c'est votre cas, en tout cas, apparemment, ça s'appelle la trypophobie. Ah ouais. Donc voilà, c'est peur des trous. Voilà, enfin, si vous avez des frayeurs une phobie, un peu particulières, c'est une phobie, c'est pas une peur. Oui, mais c'est ce que j'explique. En fait, il paraît que cette peur-là n'a pas encore été référencée comme une phobie en tant que telle, mais voilà que ça dépend malheureusement, il y a des gens touchés. Ça dépend des réactions qui sont entraînées. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas certaines choses. Par exemple, moi, j'aime pas les rats, mais je suis pas phobique des rats. Voilà, c'est justement ce côté frayeur et dérangeant. Pas, mais je peux voir un rat là, ça va pas me. Ah bah, pas, et quand tu l'auras tout à l'heure autour du cou, franchement, on t'a réservé. On n'est pas obligé de se toucher non plus. On t'a réservé une petite surprise ce soir, Doc. Monsieur. Ce soir, fera face à sa phobie. Jamais, non, le pauvre rat. Non, j'ai pas de phobie. Je peux le voir là, mais j'ai pas de sympathie pour les rats. Voilà. Dans un instant, Doc sera confronté à sa peur. Non, j'ai pas peur. Un rat viendra dans son studio. Restez bien avec nous. On sera aussi avec Simon, 18 ans, de Fréjus. Alors, Simon, c'est une histoire de dingue. Franchement, quand j'ai appris ça, c'est juste ouf. Il a un poster de Clara Morgan dans sa chambre. D'accord, tu vois, petit poster et tout machin. Bon, Clara Morgan, jeune femme sexy, séduisante hein, quand même. Et en fait, il a fait un trou dedans pour se branler. Il veut savoir si c'est chelou. Un chouïa. On pense que c'est chelou. On en parlera avec lui dans un instant. Et là maintenant, c'est le défi, fallait pas demander. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. Défi, fallait pas demander. On accueille Gabriel, il a 17 ans à Paris. Bonsoir Gabriel. Salut Karel, salut Alice, salut Doc. Salut Gabriel, défi fallait pas demander, ça veut dire le casque de réalité virtuelle. Ouais. Ah ça c'est bon ça, hein. De la marque Mido en plus, un casque qui déchire. Pour ça, il va falloir que tu arrives à énerver la personne de ton choix en lui posant une question. Alors qu'est-ce que tu vas demander toi? Je vais demander à mon père, est-ce que c'est grave de tricher au bac? Bah bien sûr que c'est grave, Gabriel. Mais enfin, on triche pas au bac. En plus, on est interdit de passer des épreuves, je crois, ton permis, tout pendant 5 ans. Eh ouais. 5 ans. Mais t'as pas triché, Gabriel? Bah non. Bon, ah bah non. Ça va. Le mec, il compte, c'est le mec qui croit tout ce que dit Gabriel. T'as triché? Enfin. Ah, c'est bien. Gabriel, ton père va être très heureux de savoir que t'as triché au bac. On l'appelle tout de suite, on y va. On appelle Mickaël, ton papa. Exactement. Oui, allô? Ouais, papa? Ouais, Gabi. Ça va? Oui, toi? Ouais, nickel. J'ai une question à te poser. Est-ce que c'est grave si j'ai mon bac que dans 5 ans? Bah oui, mais pourquoi cette question? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah parce que en fait lundi je me suis fait choper en train de tricher pendant une épreuve et du coup je risque 5 ans sans examen. Mais tu déconnes là. C'est pas possible. Non. Bah en fait pour tout te dire c'est mon pote qui m'a envoyé les réponses sur mon Apple Watch et comme j'ai oublié de les mettre en silencieux là ils ont regardé dedans, ils ont vu qu'il y avait toutes les réponses envoyées par message. Non mais n'importe quoi mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais c'est pas possible d'être aussi con, ma parole. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mais non, mais je risque en fait, je risque de prendre plus parce que quand ma surveillante m'a attrapé, je l'ai insulté de grosse pute et avait porté plainte. Non, mais c'est vraiment un gros con, envers c'est moi pas possible, pour, hein. Outrage et insulte envers un fonctionnaire. Gabriel, ouais. Ne rentre plus jamais chez toi. Ton père a raccroché. Et quand ton père te traite de gros con, voilà. C'est que... Il faut courir vite. Eh ben voilà, Gabriel. Eh bien, c'est gagné, il est énervé, mais on ne le rappellera pas. Bonne chance. À bientôt. Eh Gabriel, c'était pas bien de tricher au bac. Hein. Oh. Vraiment, hein, t'as pas bien fait. Hein. Ouais. Allez, Gabriel, allez, salut, à plus. Ouais, salut. Il ne fallait pas demander. Non. Non, on va pas laisser dans la mer. On va rappeler ton papa, d'accord ? C'est moi qui vais l'appeler. C'est Hugo, le pote qui t'a aidé à tricher, d'accord ? Ouais, exact. C'est parti. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, allô, monsieur ? C'est qui ça ? Oui ? C'est Hugo, c'est le copain qui a aidé à tricher à Gabriel. Ah, bah, le deuxième petit con, quoi. Non, mais c'est quoi ces idées d'aider mon fils à tricher ? Non, mais je voulais m'excuser. Non, mais t'es qui, toi, pour faire ça ? Non, mais je voulais m'excuser. C'est mais... ça, tu t'es gaulé aussi, quand même ? Bah non, moi, y a pas de problème. Hein. Ah non, en plus ! Ah bah t'inquiète pas, tu vas te faire gauler, ça, y a pas de problème, hein, parce que c'est moi qui vais être dénoncé. Hein. Ah, c'est pas de ma faute. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Gabriel, il est un peu bébête. Il est un peu bébête ? Ah bah toi, vu la voix que t'as, mon pauvre, t'as pas l'air très intelligent non plus. Hein. Ouais. Excuse-moi, mais... Non mais c'est n'importe quoi, toi, t'es peut-être pas bête toi de tricher un examen comme ça. Mais moi je vois pas où est le problème avec ma moi, elle est très bien. Bon, on dirait que t'as bouffé un râtelier là, je sais pas ce qui t'arrive, mais c'est n'importe quoi. Et s'il est avec toi, repasse-le-moi deux secondes là. Non, j'ai pas envie. Passe-le-moi. Mais quel petit con, c'est là, t'es où là ? Là ? C'est pas grave que tu me le passes pas, je vais me la chercher moi. Moi je vais vous le passer, je t'es où là ? Je voulais juste t'es où, espèce de petit con ? Je voulais juste m'excuser, monsieur. Mais non, mais il n'y a pas d'excuse là, il n'y a pas d'excuse. Tu te rends compte de ce que t'as fait ? Pendant 5 ans, il va être interdit de l'examen national. 5 ans, c'est même... Non mais c'est n'importe quoi, c'est de sa vie là, pas qu'il est en train de jouer. C'est pas mon problème, chacun sa merde. Non mais ça voit de l'eau là. Oh là là là là, mais c'est pas possible. Ouais. Gabriel, non mais c'est qui ton pote là ? Mais c'est n'importe quoi. Bah, mais il a chopé où celui-là ? Ouais, mais de toute façon, j'ai jamais vu, mais... Non mais attends, non mais de toute façon, t'es un peu responsable parce que c'est toi qui m'as acheté la montre. Bah oui. Bah oui, je suis responsable, évidemment. Ah ben ça, y a pas de problème, t'inquiète pas que la montre, tu vas pas la garder longtemps. Hein. Puis de toute façon, tout reste c'est pareil, hein. Ta console, ta PS4, tous les tralala là. Il n'y a aucun problème. Si tu n'es plus admis d'examen, tu es dispensé d'examen pendant 5 ans, eh ben pas de problème. La console, ouais, mais c'est tous la les avantages, qui ça va être exactement la même chose. Je vais être con jusqu'au bout. Et crois-moi que tu n'es pas prêt d'avoir tes potes, tu n'es pas prêt d'avoir aucun avantage à la maison. Donc, mine-toi le cul. De toute façon, j'ai déjà commencé à vider ta chambre, là. Donc, mine-toi le cul, là, et rentre à la maison. Non, mais il n'y a pas de nom qui tienne, Gabriel. Pendant que tu es chez moi, c'est moi qui commande, c'est moi qui fais la loi. D'accord ? Ah non. Tu as voulu faire le con, tu rentres à la maison et tu te mines. Tu vas voir, on va en parler tous les deux, voilà. Et puis tu viens avec ton pote, là, l'autre abruti, là. Oui. On va lui en parler tous les deux, là. Oui, c'est moi, monsieur. Oh, putain, non, mais je veux plus t'entendre, toi. C'est fini. Non, mais je veux plus t'entendre, plus. Oui. Non, mais même pas le son de ta voix. Michael. Non, mais je veux pas te parler, petit con. J'ai une bonne nouvelle. Je veux pas te parler, espèce de petit con. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ta gueule, non, il n'y a pas de bonne nouvelle là. Là, c'est bon, avec toutes les nouvelles que j'ai eues aujourd'hui, il n'y a pas de bonne nouvelle, hein, c'est bon. Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, Mickaël. T'es en direct sur Fun Radio, Mickaël. Non, mais c'est... Ah bah oui. Ah bah c'est non, mais vous déconnez ou quoi ? Ah bah oui. Vous êtes en direct sur Fun Radio, monsieur. Mickaël, qui vient de se faire piéger par son fils Gabriel dans toute la France, qui lui a fait croire qu'il avait triché au bac. Mais non, c'est pas vrai. Bah non. Mais il est où mon fils là ? Il est où ? Bah il est chez lui là, tranquille, il est chez vous là. Pas loin. Bah non, il est pas là. Enfin, ah oui, non, il est pas chez toi, mais t'inquiète pas, il va bien en tout cas. Hein, non, mais Gabriel. C'est n'importe quoi ça. Ah oui. Hein, et vous avez rien d'autre foutre à la radio, c'est pas possible. Et t'as sûr au bac en plus, Gabriel, hein ? Bah ouais, là en ce moment ça va, là j'ai... Ah bah là il a intérêt. Ah bah il a intérêt, tu m'étonnes. Là c'est moi qui bien ou rien du tout. Alors la bonne nouvelle, c'est que Gabriel gagne son casque de réalité virtuelle. Yeah. Oh Mido. Alors en plus c'est lui qui fait des conneries, c'est lui qui fait des blagues et c'est moi qui gagne. Ah bah il a pas fait de conneries là, et il s'est juste éclaté sur Fun Radio, il s'est amusé avec nous et on s'est bien marré en tout cas. Merci beaucoup Mickaël. Ouais, merci à vous, enfin non pas merci d'ailleurs. Mais si. Mickaël, on va vous envoyer un petit cadeau également. Et on rajoute d'ailleurs le Blu-ray du film Alibi.com, le film Fun Radio qui est juste mortel. Hein. Vraiment, vous allez vous régaler. Une petite soirée père-fils qui s'annonce. Hein ouais, c'est ça. Super. Mickaël, on vous fait une grosse bise.

some spotlight on the side. And whatever comes, comes through a clip. All this jewelry ain't no use when it's this dark. It's my favorite part, we see the lights that got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the arm. On the wrist of Link of Charms, yeah. Laying real still in Link of Parts. Like we could die all young, like we could die all blind, huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Spotlight. Put that spotlight on her face. Spotlight. We gon' pipe up and turn up. Pipe up. We gon' light up and burn up. Burn up. Mama too hot like a. Like too hot like a furnace. Furnace. I got a 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. Shine. You and I take a ride down the boulevard. Yeah. And your friends really wanna break us apart. Ooh. Good Lord. Good gracious, hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, you be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond, dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color, working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Try on all your nights like this. I might put some spotlight on the slide. Oh yeah. Whatever comes, comes too clear. Do you try on all your nights like this? Yeah. Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes too clear. Calvin Harris, Frank Ocean avec Slide sur Fun Radio. In. Du sexe et du fun. 20h-22h. Sur Fun Radio. Love in Fun, hein, depuis 20h jusqu'à 22h. On en parlait là, Doc, de ta fille. Là. Elle passe son bac là, en ce moment, comme oui, pas mal d'auditeurs qui nous écoutent. Demain. Et là, épreuve de quoi demain? Maths et allemand, elle aime pas ça. Elle aime pas les maths. C'est pas une matheuse. Ah, pas du tout. Elle te demande des conseils et tout pour être au top? Non, je crois pas. Non, elle se débrouille bien. Non, elle a très bonne note ailleurs. Mais là, les maths, c'est moyen, quoi. Tu veux qu'on l'appelle pour l'encourager? Oh non, elle a pas, apprécié. Non, j'espère que ça va bien aller. Ah, parce que moi, je l'ai eu au téléphone, elle est en train de faire la chouille là ce soir. Elle fait une grosse stuff et tout. Non, je crois pas. Demain, oui, mais pas ce soir. C'est possible. En tout cas, bon courage. Alors, à c'est vous été remarqué que les dernières épreuves, c'est le jour de fête de la musique. C'est-à-dire que les gens peuvent quand même faire la fête après l'épreuve. Ouais. Profitez bien, tout le monde, en tout cas. Et encore une fois, bon courage à tous ceux qui révisent, qui ont tous les examens. On parle pas beaucoup de ceux qui vont passer le brevet aussi, parce que c'est à la fin du mois. Mais on pense fort à vous. Il y a Déborah qui est avec nous. Elle a 20 ans de Nantes. Salut, Déborah. Bonsoir, Karen. Bonsoir, toute l'équipe. Salut. Déborah, raconte-nous un petit peu pourquoi t'appelles. Ben, moi, j'appelle parce qu'en fait, je peux pas m'empêcher de penser au sexe. Ah. Oui. Mais genre, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et t'es en couple ou t'es seule? Bah, non, je suis célibataire parce que, ce que beaucoup les mecs m'ont reproché, c'est d'être trop demandeuse, en fait. Ah. D'accord. Mais là, quand t'es célibataire, ça se passe comment? Tu dragues tout le temps, tu cherches un mec, tu fais quoi? Bah, déjà, je me fais plaisir toute seule. Okay. La base. Oui. La base. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, tous les jours. Ouais, voire même deux fois par jour. Ah, allez, c'était quand la dernière fois? Il y a 5 minutes. Bah, c'était ce matin. Ah, c'était ce matin, voilà. Petite masturbation matinale pour se mettre en forme, en jambes. Pour bien se réveiller, et puis le soir avant d'aller se coucher pour bien dormir. Et quand tu dis que tu penses au sexe, en fait, c'est tu penses à quoi? C'est tu croises quelqu'un et tu te dis, ah putain, je me le ferais bien. Ouais, et ce qui me perturbe même des fois beaucoup, c'est que genre je suis dans la rue et j'imagine les gens nus. D'accord, ok. Oui, d'accord, oui. C'est très intéressant. T'es jamais déshabillé dans la rue, quand même? Ah non. D'accord. Mais pensez au sexe. Enfin, je veux dire, tout le monde pense au sexe, plusieurs fois même dans la journée, non? Je sais pas. Oui, il y a des degrés divers. Sauf que, qu'est-ce que tu recherches? Bien sûr qu'il y a des gens qui pensent à ça tout le temps et qui ont même une sexualité débordante. C'est la réalité. Tu vas réguler ça comment? Tu veux une relation fiable, de l'amour ou simplement du sexe? Non, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me poser. Mais bah, c'est sûr, me poser avec un mec, enfin, je dis pas qu'il y a autant d'envie que moi, parce que c'est vrai que c'est... Il y a des fois, je me dis, c'est maladif, mais qu'il y a un minimum d'envie. Enfin, je pourrais pas être ouais, avec un mec libido. Qui couche une fois. Mais qu'il y a une libido, et en tout cas, qu'il exprime, oui, bien sûr. Puis en plus, après un certain temps, ça se régule, tout ça. Pour l'instant, t'es un peu frustré. En tout cas, ta question, je réponds oui, c'est normal, à 20 ans, bien sûr. T'as des désirs sexuels très forts et ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà, ceux qui ont des problèmes, ces gens qui ont une sexualité absolument comme ça débridée, qui ont des rapports sexuels avec plein de partenaires et qui sont pas très heureux dans la vie. Ouais, c'est des obsédés sexuels là. Oui, qui voilà une sexualité très perturbée, ce qui n'est pas ton cas, d'accord ? Bah c'est pas mon cas parce que je me retiens et j'essaie de me respecter un minimum, mais enfin il y a des fois je m'écouterais. Je pourrais changer de mec tous les deux jours. Ne te respecte pas. Le jour où tu seras un peu de bonheur. Amoureuse de jour, tu seras très amoureuse d'un mec, tu n'auras pas ce souci-là. Tu es d'accord avec moi ? Ouais. Oui, surtout s'il t'aime et il te respecte aussi. Parce que la libido, et surtout à cette période de l'année, enfin, je ne sais pas, mais ça Alice. Ça chauffe, oui. Alice. Ah oui. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud. C'est extrêmement chaud à cette période de l'année. Ah ouais, Alice, elle a beaucoup de libido. Hein. Ouais, bah surtout qu'en ce moment, il n'est pas là, donc ce n'est pas facile. Hein. Ah oui. Ouais. Donc, effectivement, avec la lumière, le soleil, oui. C'est ça, j'allais dire, on peut même pas s'aider, Alice, quoi. Bah... Non, mais justement, quelqu'un on a besoin. On peut trouver un moyen. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un coup de main? Quelqu'un a besoin d'un petit coup de pouce? On a des sextoys pour Déborah également. Voilà, ça fait plaisir. Et tu sais quoi, Déborah? On va t'envoyer un sextoy Lelo. Ah, carrément. Ça va te rassasier pendant quelques jours, tu verras. Bien sûr. Ouais, mais bon, rien de tel qu'une vraie, quoi. C'est vrai. Ah bah, je pense que Déborah est cash, mais elle a raison. Bah oui. Et derrière ce sexe, il y a un mec, quoi. Bah bien sûr. Ça s'appelle une relation. Hein. Bah bien sûr. Et tu l'aimes comment, Déborah ? Non, pardon. Je ne sais pas pourquoi je pose cette question-là. On a compris que tu préférais une vraie. D'ailleurs, Maëlle, notre auditeur du soir, non, t'es encore un peu jeune, Maëlle, quand même, pour proposer quoi que ce soit. Hein, Maëlle ? Ouais, non. Bah, si tu veux faire un petit détour par Paris, moi, je viens la chercher, il n'y a pas de souci. Hein. Déborah, un petit jeune de 17 ans. Ouais, non, bah, je veux pas non plus tout l'apprendre, faut pas abuser. Hein. Bah. Alors, Maëlle, tu réponds quoi à ça, là ? Merci, Déborah, c'est super gentil, ça, vraiment. Mec est dégoûté, tu sais. Déborah, c'est normal, en tout cas, t'es normal, ma chérie, t'inquiète pas. Ça va, chérie, c'est vrai, là. Et profite bien, là, c'est l'été, là, tout le monde à poil. Salut, Déborah. Exactement, dans les piscines, dans la piscine, dans la mer. C'est open. On sent qu'elle en peut plus, là, Déborah. Gros bisous, Déborah. Salut. Gros bisous, merci Salut. À tout le monde. On va parler de peur, de frayeur. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Le chiffre d'Alice dans un instant sur Fun Radio. C'est quoi ce chiffre exactement? Bah écoute, il y a 7% des gens qui ont peur des trous. Ça s'appelle la trypophobie. Et je me suis dit, c'est quand même une peur insolite. Donc là, on va pas axer ce chiffre sur les phobies, mais plutôt sur vos peurs, vos frayeurs, les choses qui vous dérangent. Oui, comme par exemple pour Doc, les rats. Il a pas la phobie des rats. Non, mais ça le dérange et il est pas spécialement fan. Voilà, non, j'ai pas peur des rats, j'ai absolument pas peur des rats. Mais t'es pas fan. Mais je pense qu'il y a quand même... Non, pas du tout. Je suis pas fan du tout. La peur peut être une réaction extrêmement saine. Hein. Quand on est devant une situation de danger, avoir peur, ça aide à pas faire de conneries. C'est quand même, faut le dire. Alors, avoir peur de conduire n'importe comment, avoir peur de conduire bourré, je pense que c'est une peur extrêmement saine. En revanche, il y a des peurs qui empêchent de vivre et qui parfois aboutissent à la phobie, ça c'est autre chose. Regarde Doc, il est là. Mais de quoi, c'est le petit ratatouille que je te présente. J'ai vu son regard se décomposer. Le mec cache sa main sur son t-shirt quand même. Ouais, genre c'est un rat. Il y a quelques temps dans notre émission, effectivement j'avais dit ça et les mecs m'attendaient à la sortie de la radio avec des rats dans bon, bon, t'avais mon rat, je dis ouais, bah, c'est cool. C'est, bien, c'est une bonne idée. Vous nous écoutez, vous avez un rat, venez au 20 rue Bayard moi, à Paris. Moi j'adore en plus. Dans le 8e arrondissement. Alice est fan. Ouais, j'adore les rats. Bah voilà, donc n'hésitez pas, vous êtes. Il y a plus de rats à Paris que d'habitants. Allez-y. Ouais, ça c'est pas faux. D'ailleurs, il y en avait un dans le studio 1, pas plus tard qu'il y a deux jours. Ah bon ? Ouais, je t'assure. Ça circule. Ah, je vous assure que c'est vrai. Bon, on va faire notre enquête. Un rat sauvage ou un rat amené ? Je le jure. Non mais attends, vas-y, remets la musique. Vas-y, coupe la musique. J'ai une histoire là-dessus, mais c'est horrible. C'est un rat qui est arrivé tout seul par ses propres moyens ou il a été amené par quelqu'un ? Dans le bâtiment, voilà, comme dans beaucoup de bâtiments à Paris, il y a des souris, il y a des rats, etc. Ouais, c'est normal, ça. Et alors, je me souviens, tu sais, il y a des dalles et tout en dessous, dans le studio. Mmh. Donc là, maintenant, c'est recouvert par du parquet, mais avant, il y avait des dalles. Et je me souviens qu'on soulevait les dalles et les techos ici à Fun, ils avaient foutu, tu sais, des espèces de scratchs agrippants. Ouais. Et du coup, il y avait plein de rats qui étaient morts et tout. Oh mais c'est horrible. Ah ouais, c'était non. pas il y a deux jours en plus ton histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Alors ça date d'il y a quelques années. Ah. Ça devait puer. Hein. Mais je sais, et ça puait, et c'est pour ça qu'ils avaient checké d'ailleurs, parce que ça puait. Et ouais, ça passait dans les clims et tout machin. Et, et là, mais là, il y avait un rat dans le studio. Il y a deux jours. Tu peux remettre la musique maintenant. Mais ça va aller. Pourquoi les rats n'auraient pas le droit d'assister à des émissions après tout? Absolument. Nous aimons tous les animaux. Voici This is la peste. Ça va aller sur Fun Radio 01 42 48 5000. À tout moment, une petite anecdote sur la vie intime de Fun Radio. Merci d'être là. T'as tout donné. T'as payé le prix. T'as encore tout raté. T'es triste et t'es tout seul. Ils comprennent pas. Tes risques et tes coups de gueule. Encore moins tes choix. T'as tout dit. T'as trop parlé. Et c'est fini. T'as encore tout gâché. T'as honte et t'es tout seul. Tu veux pas rester. Aller loin car tu t'en veux. Et ne plus rentrer. Et tu n'as plus de boulot. Encore une fois. T'es triste et t'es toute seule. Tu penses au pire. Plus jamais de nouvelles. T'aimerais juste dormir. Et tu n'as plus cet amour. Il y en aura sûrement d'autres. Jamais d'entracte. Trop de charge sur ton dos. On t'a déjà dicté, t'es quelqu'un de merveilleux. On t'a déjà dicté, t'es quelqu'un de merveilleux. On t'a déjà dicté, t'es quelqu'un de lumineux. On t'a déjà dicté, t'es quelqu'un de lumineux. T'as connu pire, tu feras mieux. Et ça va aller. This is la peste, son grand retour avec Ça va aller sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice, dans Love in Fun sur Fun Radio. Chiffre d'Alice, ce soir, on va se faire peur. Enfin, hein, ça va. On va parler des peurs. Oui, c'est ça, hein. C'est ça, des frayeurs. Il y a 7% des gens qui ont peur des trous. Ça s'appelle la trypophobie. Je me suis dit, c'est assez curieux quand même comme peur. Et du coup, bah, si vous êtes touché quand même par cette trypophobie, appelez-nous quand même. Ah bah parce oui. que moi, ça me dépasse un peu. Je me demande comment ça se manifeste. Finalement, parce que la peur des trous. Tu peux pas faire de golf. Mais il paraît que c'est quand même pas que ça. Je me suis renseignée un peu sur internet et en fait c'est surtout même le fait d'avoir plein de trous d'un coup. C'est-à-dire par exemple quand il va y avoir des crêpes, plein de petits trous. Quand t'as de la mousse dans ton bain, ça fait plein de petites bulles, plein de petits trous. Des choses comme ça qui vont stresser. Ou les nids d'abeilles, les gruyère. Choses comme ça. Ouais aussi. Et ça c'est des trucs qui les font paniquer. C'est chaud. C'est chaud, là. T'imagines une grosse partouze, plein de trous. Pardon. Paul est avec nous, 20 ans de Chartres. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut Paul, bienvenue dans Love in Fun. Merci. Ta grosse frayeur, c'est quoi toi? C'est les poules. Les poules? Ouais, c'est chelou, là. Les becs, les yeux, la crête, c'est un truc qui me dégoûte. Et quand tu vois une poule, est-ce que tu peux partir en courant? Je peux, si c'est derrière un grillage, derrière un truc, ça va, mais je vais avoir des gros frissons. Ah ouais, non mais genre dans tu... cas, c'est, on est proche de la phobie. Hein. Ah ouais, ouais, ouais, non mais c'est clair. Mais t'as peur qu'elle te fasse mal en fait ? Qu'est-ce que t'as peur j'ai peur qu'elle me bec, qu'elle me saute dessus. C'est un truc que je peux pas expliquer. Ouais. C'est une phobie qui m'a été transmise, quoi. Oui, bien sûr, probablement quand tu étais petit. En fait, la phobie, elle n'est pas, elle correspond pas à un réel danger. Il n'y a aucun danger dans l'absolu. Ça, c'est évident. Voilà, mais simplement parce que, je sais pas, t'as gardé un mauvais souvenir enfant. T'es pas vraiment. Une époque t'as traumatisé quand t'étais petit. Non, pas vraiment. C'est ma mère, en fait, à la base, qui a peur de tout ce qui est un bec. Ah, et oui. Elle m'a transmis cette partie-là, mais pour les poules. Et les oiseaux ou les autres genres de choses, j'ai pas peur. Mais c'est vrai que les poules, les poulets ou les coqs, c'est quelque chose que je peux pas. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Bah, et par exemple, si on te fait écouter ça, est-ce que ça te fait des petits frissons? Écoute. Je suis pas à l'aise, mais ça va. Ça va, ça va. Retour de toi. Oh putain. Alors, c'est des peurs qui sont assez inexplicables au final. Voilà, tu nous dis que ça a rapport à ta mère et tous les becs. Mais Camille nous rejoint sur Fun Radio. On va peut-être encore monter dans les peurs. Bonsoir Camille. Bonsoir. T'as 18 ans, tu es d'Aix-en-Provence. C'est ça. D'accord, tu as peur de quoi? Ah, moi j'ai peur des ballons de baudruche. Des ballons de baudruche? Ah oui, attends. D'accord, mais pourquoi? Bah attends, c'est horrible les ballons de baudruche, ça éclate. Ah bah mais... merci. Ah, et vous c'est faites ça. Mais oui, et puis quand quelqu'un a ce genre de peur, tu me diras si je me trompe Camille, parce que moi je déteste ça aussi. Et ben ton entourage a du mal à le comprendre et s'éclate tout le temps à faire péter des ballons près de toi, quoi. Mais c'est totalement ça, rien que mon anniversaire. Ah mais c'est rien ça. Qu'à mon anniversaire, ils sont venus avec plein de ballons, ils m'ont fait éclater à la gueule. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est dédicace à Mathieu qui m'a fait ça. D'accord. Et voilà, joyeux anniversaire. En fait, ils te font un petit coup de pute, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est mes amis, j'ai l'habitude. Bah, et ça, c'est des petites peurs. Je suis désolé. Moi, par exemple, j'ai peur d'être enterré vivant. Ah ouais. Ouais, mais il y a quand même moins de risques que de croiser un ballon de baudruche, oui. Quoi. Ah, c'est oui, d'abord, c'est pour le moment arrivé. Bon. De quoi, d'être enterré vivant? Ça peut arriver à certaines personnes, j'ai entendu ça, oui. Mais oui, genre t'es déclaré mort, on t'enterre en fait. Je suis toujours là, les gars. Retrouver des marques de griffures sur les cercueils. Oh non mais c'est vrai. Hein. Alors, déclaré mort, bien sûr que c'est arrivé même dans des morgues à l'hôpital. Hein. Une fois, on m'a raconté ça quand j'étais jeune, mais quand j'étais étudiant. Ouais. Mais c'est un monsieur qui est sorti de la chambre froide. Qu'est-ce que j'ai froid là? Et il a dit, punaise, qu'est-ce qu'il fait froid ici? Oh, mais c'est dingue! Le pauvre mec, il avait été mis raide, tu sais, dans les chambres froides pour conserver les temps. Ah, ouais, putain! Qui se réveille en autopsie aussi, il y avait quelqu'un comme ça, il me semble. Oh non! Si j'avais entendu genre, il se fait charcuter le mec et tout. Ouais, aux États-Unis, une femme qui s'était réveillée. C'est mon bras, ça? C'est un petit peu vite, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est pas vraiment expliqué scientifiquement, parce que les gens qui ont constaté la mort ne sont pas malhonnêtes. Il leur a manqué quelque chose, il y a peut-être un état comme ça, et puis la résurrection existe peut-être, j'en sais rien. Ah ouais, non, franchement, c'est un truc de dingue, ça. Enterré vivant, putain. Brûlé vif aussi. Oh, t'imagines, ouais. Putain. Quand on brûlait les sorcières et tout à l'époque, bah, tu t'en souviens, toi, Doc, cette époque-là, t'étais déjà là. Oui, pas que les sorcières. Ah bah oui. Jeanne d'Arc. Ah bah voilà. Non, mais ça doit être terrible, t'imagines. Tu dois souffrir de ouf, quoi. Sans déconner. Perds vite connaissance, fort heureusement, mais les douleurs doivent être horribles. Oh là là, Victor, 22 ans de Bordeaux. Bonsoir, Victor. Salut l'équipe, ça roule? Ça va bien, Victor. T'as peur de quoi, toi? Ben voilà, moi en fait j'ai peur de perdre ma teub. C'est une peur d'homme, ça, bien sûr. Ah mais carrément, depuis tout petit je grandis. Ça s'appelle quoi? L'angoisse de castration. Ah ouais, voilà, mais depuis tout petit je grandis avec et donc voilà. Puis même pour ce que la phobie que dont parlait Alice, ceux qui ont peur des trous, ben moi je peux les aider à les combler avec. Il est bon lui. Voilà, je me sers un peu à tous les jours, c'est mon outil de travail. Tu combles les trous. Voilà, donc si quelqu'un a peur des trous, ben qu'il m'appelle. Eh ben voilà, je comble vos trous, mesdames. Ton angoisse de castration, elle est limitée parce que tu la mettrais n'importe où. Ah mais attends, c'est pareil. Ah non, pas n'importe où, il y a des trous quand même un peu noirs. Victor, oui. tu la connais la légende de la nana qui coupe la teub de son mec parce qu'elle a été trompée? Non. Ça s'est déjà produit, ça, bien sûr. Au Japon, j'avais vu une histoire comme ça. D'un coup de ciseau, hop, mec, plus de bite. Mais je vais faire gaffe à ça alors. Il y a deux films comme ça, je sais plus comment ils sont. C'est des films de cul, ça, Doc, attention. Non, des films où effectivement, il y a un mec qui se fait couper la bite à la fin. Oh Et puis il y a celui qui se la coupe, c'est un film avec Depardieu, je sais pas comment il s'appelle ce film. Les Valseuses ? Oui, non, juste après, un film où il est un couteau à la fin, il se la coupe avec un couteau électrique que tu utilises pour couper les gigots. Ah Doc, je vais faire une attaque là, Doc. Non, mais c'est surtout qu'on en apprend un petit peu plus sur les films qu'il regarde avec Katoche le samedi soir. Non, parce que c'est un souvenir vague, donc je me souviens même plus du film. Mais je me souviens très bien de Depardieu se coupe la bite. Ouais, c'est super. L'équipe, je peux faire une petite dédicace? Ouais, vas-y, on t'écoute. Ouais, je fais une dédicace à mon frère Tom qui m'écoute sûrement, une à Léna et à tous les tapeurs de pied qui vont venir faire la fête samedi au Medizin Festival à l'Aréole. Voilà, et à vous, parce que je vous écoute tous les soirs, vous êtes géniaux. Eh ben, merci beaucoup, Victor. Tu reviens quand tu veux, avec ou sans ta teub. Salut, Victor. Bonne soirée, les gars. Ciao. Et Marion est avec nous, 18 ans de Colmar aussi, elle veut réagir. Ta plus grande peur, toi, Marion, c'est quoi? Ben, moi, c'est la peur de la mort. La peur de la mort, oui. Et ça revient très souvent. Quand on prend conscience que on n'est pas immortel, c'est vrai que c'est dur. C'est exactement ça. Ah ouais, non, les cassiers. Ah, moi c'est pareil. Ah c'est une de mes angoisses, ouais. Mais pourquoi forcément on a peur? Donc, c'est vers 7-8 ans en général qu'on a cette angoisse qui apparaît, avec parfois des passages difficiles. L'idée que la mort est quelque chose de définitif, en tout cas sur Terre, même pour ceux qui croient à la vie éternelle. Voilà, c'est une réalité et qui est peut-être pour certains. Alors ça peut correspondre à la situation, la perte de quelqu'un, ou le deuil, on n'a pas bien compris. C'est ton cas, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça qui a tout déclenché. Je me suis dit, je vais peut-être mourir ça, un jour. La perte de qui? Hein? La perte de qui? De mon parrain. De ton parrain qui est mort brutalement? Oui. Et t'avais quel âge? J'avais 11 ans. Et t'as été à l'enterrement ou pas? Oui, je l'ai même vu dans son cercueil. Et ça t'a traumatisé pour toi. Oui. Okay. Et depuis, tu as peur de la mort. Sauf que, voilà. Voilà. Si c'est une peur aussi importante, est-ce que vraiment ça te perturbe au point tous les jours de te sentir non, pas non, ben, il y a quelques années, j'arrivais même pas à dire le mot parce que j'avais tellement peur que ça m'angoissait. Ah ouais. Maintenant, j'arrive, voilà, et ça va beaucoup mieux. Oh. Avec le temps, j'en ai parlé avec mes parents et tout. Très bien, c'est ce qu'il faut faire, en parler. Parce que je crois qu'il faut aussi, voilà, la réalité, là, les adultes sont là aussi pour aider, hein, à accepter cette... On ne choisit pas, ça, c'est sûr qu'on est tous mortels. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que le message à travers ça, c'est qu'il faut profiter de la vie, quoi. Une fois qu'on le sait, eh ben voilà, putain, faisons de la vie une fête. Hein, allez, tous à poil. Et faisons tous l'amour. Allez, Sidney. Ça, c'est un peu réducteur. Pour moi, la vie est un chemin. Ah oui. À accomplir, il y a des choses à faire pour chacun. Chacun a un rôle à remplir. Il faut parcourir ce chemin et se réaliser. Ce n'est pas que faire la fête. Je suis désolé. Faire la fête peut être important. Non, mais là, Doc, bien sûr. Non, mais après, profiter de la vie, c'est pas forcément faire la fête. Hein. Quand je dis ça, Doc, ça veut dire aussi de prendre conscience de plein de choses, d'évoluer, bien sûr. Oui, de réaliser des choses, même au prix parfois de difficultés. Mais il faut le faire. Bien sûr, mais c'est... Mais ça aboutira toujours à la mort. Voici tout de suite la marche funèbre sur Fun Radio pour tous les morts. Allez, on arrête, hein, sans déconner. T'imagines l'ambiance morbide, tu sais. On était dans un bon délire et tout, et maintenant ça y est, on est sur les morts. Marion, tu restes avec nous, surtout qu'il y a Maël qui veut réagir, notre auditeur du soir. Maël, on t'écoute. Alors en fait, moi, il y a deux trucs. La première, c'est les frelons. Vraiment, depuis tout petit, ça me terrorise, ces trucs. Et aussi, il y a un autre. Il y a un autre truc. Je crois que je suis le seul à qui ça fait ça. J'ai vraiment la phobie d'avoir un jour l'appendicite. L'appendicite, ouais. D'accord. Ah, mais vraiment, ça me fait très très peur en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça peut être comme ça de génération en génération. Avant, quand les gens n'étaient pas vraiment opérés ou très peu opérés, il y a un siècle et demi, ils appelaient ça, alors je suis désolé du mot, mais ils appelaient ça les coliques du miséréré. Ça veut dire du colique où tu vas mourir. Et c'était vraiment ça l'appendicite avant. Hein. Et je dois dire qu'il y a encore, là, j'ai un cas récent, de quelqu'un qui effectivement est mort. Pour les médecins, c'est un enfer. Ah, super, ça va le rassurer, Maël. Hein. Déjà, le mec, il avait peur, maintenant il sait qu'il peut mourir d'une appendicite. J'ai pas fini. C'est la hantise des médecins qui passe à côté, hein, et qui passe vraiment à pieds joints à côté. Ah. C'est arrivé récemment. Alors pourquoi? Parce que devant des douleurs abdominales, il ne faut pas banaliser, il faut savoir explorer. Il y a des tas d'examens qu'on peut faire maintenant et qui permettent d'intervenir à temps. Voilà. Je vais te rassurer. D'accord, Maël. Ah ouais, mais ça me fait toujours autant peur. Hein. Si t'as pas mal au ventre, faut pas déconner non plus. Ça vient des réactions sur les réseaux sociaux, on t'écoute, Alice. Alors, Paul a peur des fourmis, Adeline a peur de vomir, Rémi peur de m'étouffer en mangeant, et Léonie qui a peur du fromage, ça la dégoûte, elle ne peut ni le regarder ni le manger. Et pour finir, Hello qui a peur de mourir noyée, comme beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Aussi. Mourir noyée, c'est terrible. Ça, moi, c'est aussi. Pareil. Hein. Putain, mais en fait, tu te vois mourir, quoi. C'est ça qui est ouf. Continuez de nous dire quelles sont vos peurs, là. La peur de vomir aussi.

jusqu'à 22h. Love in Fun. Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Love in Fun depuis 20h jusqu'à 22h avec tous vos messages sur les réseaux sociaux. J'ouvre les snaps là, sur le Snapchat de Love in Fun pour nous ajouter Love in Fun Radio pour envoyer vos snaps. Love in Fun Radio, tout attaché. Un petit snap à l'instant qu'on vient de recevoir de Laurine qui nous fait des gros bisous. Il y a Aurélien qui nous envoie un petit snap. Petit coucher de soleil en écoutant Love in Fun, profite bien. Il y a Ségoulevent qui dit coucou l'équipe, j'ai une relation ambiguë avec quelqu'un, on s'engueule, on se réconcilie, on ne sait pas ce qu'on veut. À chaque fois, c'est moi qui reviens vers lui. Cette fois, je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît, je suis très mal. On va en parler. Bah ouais, faut nous appeler, hein. Faut pas hésiter. Hein. C'est souvent ce que je réponds. Soit on vous envoie un petit mail à loveinfun@funradio.fr, comme ça on vous rappelle, ou vous nous appelez directement 01 42 48 5000. Il y a aussi un petit message d'Angie, Angie Mimi, qui dit merci, gros bisous à toute l'équipe. À Cholet, qui envoie un petit message, salut toute l'équipe, je vous kiffe. Il y a Guillaume aussi, salut à toi Guillaume. Quel âge a le doc? 157 ans. Ah ouais. Non, voilà. 165. Ah bah, je me trompe à chaque fois, doc. Mais tu ne fais pas ton âge. On a également un petit message de Jean B77 qui dit, est-ce que je pourrais avoir une dédicace en direct à l'antenne de la part de vous? Dédicace à Jean B77. Big up Jean B77. Et Grand est avec nous. Il est de Bordeaux. Bonsoir, ouais. Grand, salut. Salut, ça à toi. Ça va bien, Grand? Alors il va falloir que tu nous expliques un petit peu là, parce que ouais, qu'est-ce qui se passe là? Une grosse emmerde. Voilà, j'ai des pulsions vers des ados, quoi. Des ados ou des enfants? Non, des ados. Est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec des ados? Non, jamais. Même, tu mens pas, parce que là, c'est anonyme, tu peux le dire. Vas-y, allez, grosso merdo, enfin, je t'explique, je te fais vite fait le remake. Vas-y. Mon grand-père a fait des attouchements sur mes tantes. Mon père a fait des attouchements sur ma sœur et a violé deux gamines. Mon fils a fait... Ils ont été condamnés ou pas? Mon grand-père, non, parce qu'il est mort avant. Mon père, oui, il a pris 30 ans. Et mon fils a été en mise à l'épreuve parce qu'il avait moins de 13 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, ton fils? Des attouchements sur une gamine de 6 ans, mais bon, d'accord. Après, c'est en découverte. Moi, j'ai pris ça en découverte sexuelle, quoi. D'accord. Non, pas en découverte sexuelle, comme il avait été violé lui-même. Et on le sait qu'effectivement, les enfants, les adolescents reproduisent ce qu'on leur fait. Ce qui n'est pas la même chose. Moi, j'ai refusé de prendre mon fils jusqu'à temps qu'il soit autonome, parce que je me suis imposé à ne pas le voir tout nu. D'accord. Quoi. Alors, c'est sûr que... Ah, bon, est-ce que la pédophilie est héréditable? Bien sûr que non. Ce que tu décris dans les familles, ça existe et c'est en général tabou, on n'en parle absolument pas. Moi, ouais. Donc tu as raconté ton histoire qui est effectivement extrêmement douloureuse, ouais. Famille qui détruit des enfants, qui détruit des vies, des enfants violés, bien sûr. Alors... C'est trop souvent tu, hein, la plupart du temps, ce qui t'arrive à ton père, c'est... Ah, c'est l'omerta, ouais. C'est l'omerta totale et même au niveau de la justice, il faut le dire, bien, bon nombre de dossiers n'aboutissent pas. Pour des raisons diverses, je n'ai pas le temps de l'expliquer là. Oui. Mais, c'est une véritable omerta. Donc là, moi, pour te parler à toi très précisément avec tout ce que tu as vécu, avoir conscience que tu pourrais le faire, ce n'est pas le profil du pédophile. Le pédophile n'est pour vous qu'une culpabilité. Ouais, non, mais tu vois, c'est juste la pulsion. Oui, mais t'as peur de ça. Après, je me frappe, tu vois. T'as gueule, mais t'as pas à te frapper, ça sert à rien. T'as été violé enfant, toi? Non. D'accord. Moi, non. Ni par ton père, ni par ton grand-père? Non. T'as été par... Mon père a violé ma mère avec un ami à lui. D'accord. Complexe. Hein. Oui, non, pas complexe. Désolé de vous mettre des abeilles. Non, tu ne mets pas les abeilles. On comprend à quel point ton histoire familiale est douloureuse. Écoute, je crois que... D'abord, tu passes pas à l'acte, t'as conscience de ça, ce qui n'est pas le cas, je rappelle, des pédophiles et des gens qui se tapent des mineurs de moins de 15 ans. Donc déjà, c'est un bon point. Mais en revanche, tu en souffres énormément, ce qui est aussi un autre bon point, ouais. Car quand on souffre d'une situation, on va voir un psychothérapeute, on en parle pour en sortir. J'ai été voir, l'histoire avec mon fils. On a suivi une psychothérapeute, donc pour mon fils et pour moi-même et pour sa mère. Nous sommes séparés et même malgré la psychothérapie et tout ça, c'est une pulsion, quoi. C'est une pulsion. Je comprends très bien. Moi, j'ai une question. Tu apprends à la maîtriser et tu la maîtrises bien tout de même. Parce que sauf. Oui, je la maîtrise, mais je la maîtrise, mais je la comprends pas. Ah, moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que tu regardes, parce que sur Internet, on trouve tout, ouais. Si on cherche bien, est-ce que tu regardes des photos pédophiles, par exemple? Non. Est-ce que tu regardes des films avec des enfants? Non. D'accord. Des films avec des enfants? Non, je me l'interdis. Ah ouais. Moi, je pense que voilà, la seule chose, c'est que ta souffrance, elle a besoin d'évoluer. Bien sûr, dans le sens d'une thérapie. La thérapie t'a peut-être évité cela. Savoir pourquoi cela ne t'aidera pas à ne plus le faire, en tout cas, ne plus avoir cette envie-là, parce que même quand on connaît la raison, ça disparaît pas. Je crois qu'il faut reprendre la thérapie, peut-être avec un autre thérapeute, et peut-être faire un peu d'hypnose, pourquoi pas, ça pourrait t'aider. J'y ai pensé, ouais, l'hypnose, parce qu'après, on m'a proposé des médicaments, tu vois, des antidépresses et tout, mais avec le métier que je fais, je peux pas prendre de médicaments. C'est quoi ton métier? Je suis grutier sur des plateformes pétrolières. Et on va éviter. Ouais. D'accord. Ouais. Mais je pense que aller voir un hypnothérapeute, je parle d'hypnose thérapeutique, hein, je parle pas d'hypnose de foi. Oui. Voilà, très important parce que ça peut t'aider. Pourquoi pas, c'est une idée qui me vient comme ça. Des thérapies comportementales et cognitives qui permettent de prendre conscience que tu ne vas pas le faire. À partir de là, tes pulsions restent tes pulsions. Mais je pense que chez toi, il y a quand même une conscience telle que tu n'as jamais passé à l'acte, et ça, c'est important. Ah non, ça, j'ai la conscience, oui. C'est un truc, comme je te dis, c'est pour ça que je me frappe. Mais pas la peine de te frapper. Je comprends à quel point tu peux en souffrir, en tout cas, vu ton histoire familiale. En quelques mots, on l'a comprise, qui est absolument, effectivement, abominable. De père en fils, c'est l'horreur. Ah oui, carrément. Mais je te remercie, en tout cas, pour ton témoignage grand et... Eh ben continue justement tous tes traitements. Tu peux parler de traitements, mais il est solution. Oui, après je vais faire l'hypnose, je vais tester l'hypnose. Ah ouais, peut-être, je crois que ce serait pas mal. Oui. Mais... Salut grand, et merci, merci pour ton témoignage. Merci à vous la famille, continuez. Salut à toi grand. On va récupérer notre auditeur du soir, Maël. Maël, tu voulais nous parler d'un truc toi aussi, Maël, toi ce soir. Hein, ouais, un petit peu plus léger quand même. oui. En fait, là, dans un mois, je pars en vacances avec des potes, etc. Ouais. Et je voulais être un peu beau gosse sur la plage et tout. Et du coup, je voulais savoir si vous n'avez pas une petite technique pour perdre un petit peu mon bidon rapidement, quoi, histoire d'être vraiment frais. Pour être beau l'été, il faut faire des abdominaux. Faire 100 pompes par jour, tu sais, c'est pas tout repos. Hein. Alors, je vais te dire, tu vas déjà, pour perdre un peu de poids, arrêter tout ce qui est sucre. Tu vas consommer beaucoup de légumes, énormément de légumes, du poisson, de la viande, des œufs. Mais tu es vraiment sérieux, t'arrêtes tout ce qui est sucre. Alors bon, plus de sucre, plus rien. Oui, c'est un régime qui est très prisé à New York. Et... Pas de glace, pas de Twix. Rien. Oh putain, pas de bonbons qui piquent. Ah mais si tu veux perdre dans 3 semaines, c'est possible. D'accord, donc ça veut dire que là, si on s'est régalé pendant tout l'hiver et qu'on s'est dit, oh bah putain, ça y est, j'aurais dû m'y mettre il y a 2-3 mois, c'est mort, donc maintenant je m'en fous, on peut encore s'y mettre, Doc. On peut encore s'y mettre, on essaie aussi de faire de l'exercice, c'est très important, bien s'hydrater. Hein. McDo tous les jours, Doc, une petite pizza de temps en temps, ça marche ou pas? Pas du tout. Ah merde, merde. Parce que dans les sucres, il faut inclure aussi le pain, ça compte, les pâtes, le riz, c'est pas que le sucre-sucre, hein. D'accord. Maël, t'entends ça? Alors, légumes, fruits, pas trop de fruits, mais beaucoup de légumes, énormément de légumes, pour diversifier, pour pas être carencé. De la viande, de l'œuf, du poisson. Si tu tiens le choc, ça peut marcher. Bon bah, je vais perdre mon bidon, mais je vais finir déprimé avec ton histoire. C'est bon. Il suffit de bien cuisiner. Ah ouais, non. Hein? Oh non, ah ouais, sans déconner. Bah. Ah bah, j'irai une salade pas. Avec une bonne huile d'olive, vachement bonne. Oh là là, putain, j'irai pas bouffer chez toi. Hein. Ouais. Oh, sans déconner. C'est bon, ça. Ah ouais. Maël, tu sais, les filles adorent aussi le petit bidon. Ah, écoute, si c'était vrai. Ah bah, attends, je te... Alors... Alice, toi t'aimes pas, hein? Je suis désolée, t'aimes pas. Mais alors Cindy, elle aime bien le petit bidon. Ah, hein, ah. Cindy? Pas particulièrement. Oh, allez, putain. Ça veut dire. Cindy, elle ne m'aidera jamais. Hein. Je fais avec. Elle veut